qui ne lâche pas sa roue. Michael Matthews et son gabarit très râblé, il a vraiment l'attitude du sprinter. C'est un garçon très explosif lui aussi, qui ressemble finalement un petit peu à Peter Sagan, qui intrinsèquement est un petit peu plus rapide sans doute. Et je pense d'ailleurs que dans cette échappée, c'est lui, Michael Matthews, l'homme de Canberra, qui est le plus rapide. 1m80, 72 kilos pour lui, 25 ans. Il a encore évidemment beaucoup de temps pour espérer gagner une étape sur le Tour de France, mais ce qui est fait n'est plus à faire évidemment, et il en est bien conscient. L'Australien, avec une quatrième attaque qui ne donne rien, de Daryl Impey, qui maintenant prend la tête de ce groupe, l'équipier donc de Michael Matthews. Évidemment, s'il venait à échouer, les coureurs d'Orica Green Edge, Orica Bike Exchange, c'est le nom officiel sur ce Tour de France, le nom a changé quelques jours avant le grand départ en Normandie. Si les Orica venaient à échouer, ce serait évidemment un échec, puisqu'ils sont en supériorité numérique dans ce groupe de 6. Le peloton est annoncé à 8 minutes, on a totalement relâché les efforts en tête du peloton. On a vu plusieurs équipes tenter de revenir, de travailler en tout cas pour tenter de revenir, comme Direct Energy, comme également la Katusha, mais ce furent des efforts relativement brefs, relativement courts et surtout totalement inefficaces. Il n'y a pas eu de collaboration, de solidarité entre les équipes piégées et avec également les équipes de sprinteurs. Alors on a retrouvé, ce qui est le cas pour le moment, l'équipe Sky en tête du peloton, mais l'équipe Sky n'a plus rien à gagner ni à perdre dans cette étape. Pourquoi prendre des risques dans une poursuite folle, des risques de chute évidemment pour le maillot jaune Christopher Froome? On préfère voir ça de loin, de très loin. On avait évoqué tout à l'heure le cas de Caruso, qui se trouvait dans la première échappée de 15 coureurs. Caruso qui comptait ce matin au départ un peu plus de 12 minutes de retard sur le maillot jaune Christopher Froome. Mais comme Caruso a lâché prise à la broche de la côte de Saint-Féréol, eh bien les coureurs de la Sky ont eux aussi alors relâché la pression avec les oreillettes. On apprend très vite ce genre d'infos. Caruso n'est plus là, il n'y a plus de danger. Eh bien on va laisser les 6 hommes de tête, ils étaient 7 à ce moment-là, les 6 hommes désormais se débrouiller pour la victoire d'étape. La flamme rouge, ils sont donc 6 devant Sagan, Boasson-Hagen, Dumoulin, Van Avermaet, Matthews, voilà pour les plus rapides, et Daryl Impey qui définitivement maintenant se sacrifie en tête du groupe. C'est lui qui mène le groupe de 6 avec Peter Sagan, le champion du monde, imaginez, dans sa roue, qui va peut-être remporter une deuxième victoire d'étape sur ce Tour 2016. Même chose pour Greg Van Avermaet, il est bien placé, Van Avermaet très attentif en dernière position, il va sans doute tenter de surprendre ses 5 compagnons d'échappée. Derrière Sagan en 3ème position, il y a Matthews. En 4ème position, Edvard Boasson-Hagen. En 5ème position, on le voit à peine avec son mètre 59, Samuel Dumoulin. Et Greg Van Avermaet qui tente sa chance, on l'avait évidemment pressenti, Greg Van Avermaet qui tente sa chance de très très loin avec un très très gros braquet. Greg Van Avermaet qui a pris les commandes de ce sprint, va-t-il pouvoir tenir la distance jusqu'au bout? Il y a Edvard Boasson-Hagen sur sa gauche, il y a Matthews qui va s'imposer. Ben voilà, Michael Matthews qui est sauté là-bas, Greg Van Avermaet sur la droite de la route. Van Avermaet qui s'était concentré sur le côté gauche, il a tenté et il a eu raison, Greg Van Avermaet, de très loin. Il ne pouvait pas faire grand chose face à des hommes plus rapides comme Sagan, mais surtout comme Michael Matthews. Et Matthews a trouvé l'ouverture sur la droite malgré le jump final de Peter Sagan. C'est Matthews, mais vraiment il a fait l'effort dans les 35-40 derniers mètres maximum pour s'imposer dans cette étape, alors que Luke Dudbridge, l'un de ses équipiers lâché dans la côte de Saint-Féréol, franchit maintenant la ligne. Il a compris que son leader avait gagné. Le travail des Orica a donc payé sur cette étape. Michael Matthews, l'ex-champion du monde espoir en 2010, l'homme de Canberra, 25 ans, vainqueur d'étape sur le Tour d'Italie, vainqueur d'étape sur le Tour d'Espagne, et qui décroche donc son premier succès sur les routes du Tour de France. Il va sans doute en gagner d'autres dans sa carrière, parce qu'il a du talent à revendre. Il est un coureur explosif, il est un coureur qui sait sprinter. Et voici deux mots de Greg Van Avermaet. Sagan est trop fort, je pense, aujourd'hui. Et... ouais, il doit réagir à toutes les attaques. Et ouais, je veux faire un sprint long. Ouais. Mathieu, vous avez fait pas vraiment beaucoup de travail et tous les journées. Et ouais, lui, elle est plus vite dans un sprint comme ça. Dans la bosse, c'était pas possible de sortir, le rythme était trop élevé? Non. Non, j'étais pas de jambes pour attaquer. Juste que poursuivre, et ouais. J'ai fait peut faire quelque chose dans le sprint, mais ouais, c'était pas possible pour gagner. Attends, la suite de l'interview de Greg Van Avermaet, ce sera évidemment dans le journal du Tour à 18h08 sur Vivacité. Greg Van Avermaet, on le remercie hein, de répondre aux questions de Jérôme Elgers. À peine la ligne franchie, victoire d'étape à Revel du sprinter australien Michael Matthews. Merci Samuel Grulois de nous avoir fait vivre cette nouvelle arrivée au Tour de France. Vous écoutez Vivacité, voici les titres du journal. Des dizaines de secouristes sont sur place. Ils ouvrent les carcasses de deux trains, ce qu'il en reste. Deux trains qui se sont percutés près de Bari, dans le sud de l'Italie. Il y a 20 morts, 35 blessés. Ces deux trains roulaient sur la même voie, la seule à cet endroit. Nous serons en Italie dans un instant et vous entendrez aussi le témoignage du maire de la localité où le drame s'est produit. La taxe kilométrique refait surface. Les communes voudraient voir exempter leurs camions poubelles ou ceux qui parcourent les rues pour transporter du matériel. Le MR va poser la question ce soir dans plusieurs communes. Le parti craint ceci. Dans tous les cas, celui qui paye à l'arrivée, c'est le citoyen. C'est pour ça que nous demandons l'exonération de cette taxe pour les communes et les intercommunales. Sécuriser les matchs de football coûte cher en budget et en moyens humains aussi. Audition ce matin du patron de la Pro League en commission à la Chambre et pourquoi pas donner un rôle plus important au steward, c'est sa proposition. Au Tour de France, vous venez de l'entendre, victoire au sprint de Michael Matthews et on a frôlé une nouvelle victoire belge. Vous avez peut-être croisé un Pokémon aujourd'hui en pleine rue et vous l'avez peut-être attrapé comme dans le dessin animé. Un jeu sur smartphone fait fureur en ce moment, il s'impose dans le monde entier. Le journal de 17h vous est présenté par Delphine Vreux. Bonsoir Delphine. Bonsoir. Les deux trains sont encastrés l'un dans l'autre au milieu de la campagne au sud de l'Italie, près de Bari, dans les Pouilles. Et le bilan est très lourd, 20 morts au moins et 35 blessés, certains sont dans un état très grave. Les deux trains ont terminé leur course l'un dans l'autre comme s'ils s'étaient foncés dessus. Ils roulaient en sens contraire sur la même voie, l'unique voie. Valérie Dupont est notre correspondante en Italie. Valérie, les images que montrent les télévisions italiennes sont très impressionnantes. L'image aérienne diffusée par la télévision italienne est impressionnante. En pleine campagne, au milieu des champs d'oliviers, il ne reste pratiquement rien des deux premiers wagons des trains qui se sont heurtés peu après 11h30 ce matin. Pulvérisés, preuve que les deux trains qui circulaient sur le rail unique qui relie les villes de Bari et d'Andria circulaient à une vitesse relativement élevée. À bord principalement des jeunes et des travailleurs, car cette ligne de chemin de fer à l'intérieur des terres n'est pas fréquentée par de nombreux touristes. Le choc a été violent et les secours ont mis un certain temps pour rejoindre les lieux isolés de tout. Sous une chaleur infernale, les pompiers et les médecins ont dû travailler pendant des heures pour retirer les blessés et les corps de cet amas de tôles. Un enfant en bas âge a été sorti vivant de cet enfer, transporté en hélicoptère à l'hôpital de Bari. Valérie, ce drame n'a pour l'instant encore aucune explication. Impossible pour l'instant d'établir les responsabilités, une erreur humaine ou une défaillance du système qui règle les correspondances, car un train devait encore se trouver en gare. Le président du Conseil des ministres italien, Matteo Renzi, a déjà déclaré « Nous ferons toute la lumière sur les responsabilités ». Voilà pour les explications de Valérie Dupont. À Rome, c'est un désastre, comme si un accident d'avion s'était produit, déclare le maire de Corato, la localité où le drame s'est produit. Je vous propose d'entendre son témoignage. Dans les wagons de queue, il n'y a personne, donc pas les wagons qui se sont encastrés. Ce qu'il faudra encore comprendre, les secouristes nous diront, c'est s'il y a encore des gens dans les deux wagons encastrés. Pour l'instant, les secouristes travaillent encore et la situation est difficile. C'est une ligne très fréquentée, on l'utilise tous les jours. Surtout des jeunes qui vont à l'école et des gens qui vont travailler. Oui, heureusement, les écoles sont fermées maintenant. Et notre espoir, c'est que, avec cet horaire de fin de matinée, peu de personnes prennent le train. Et je vous rappelle ce bilan, 20 morts et 35 blessés. Vous l'avez entendu, ce n'était pas une ligne très fréquentée par des touristes. À ce stade, il n'y a pas d'informations sur des victimes belges dans cet accident, indique le ministère belge des Affaires étrangères. Le message du MR sera le même dans plusieurs communes wallonnes et bruxelloises ce soir. Non à la taxe kilométrique pour les communes, une taxe qui frappe les poids lourds depuis le 1er avril. Un camion poubelle, par exemple, c'est aussi un poids lourd, ou encore celui qui transporte le matériel de la commune. À Guillaume Gilbert, les communes se demandent comment elles vont payer cette taxe au kilomètre. Les camions des ouvriers communaux, les camions poubelles, ces véhicules doivent payer la taxe kilométrique actuellement. Pour Georges-Louis Boucher, chef de file MR de l'opposition à Mons, ce sont les citoyens qui vont devoir payer ce coût supplémentaire. Soit les communes vont avoir des coûts supplémentaires sur leurs véhicules, donc ils devront augmenter les taxes, soit via par exemple le ramassage des déchets, le coût vérité va faire que le surcoût de ce ramassage doit être payé par le citoyen, soit troisième possibilité, quand les communes vont faire appel à des partenaires privés qui vont répercuter le surcoût sur la facture. Et donc dans tous les cas, celui qui paye à l'arrivée, c'est le citoyen. C'est pour ça que nous demandons l'exonération de cette taxe pour les communes et les intercommunales. Selon la ville de Mons, le surcoût lié à la taxe kilométrique atteindrait environ 42 000 euros par an pour la commune. Le bourgmestre Elio Di Rupo prône lui plutôt une compensation pour les véhicules communaux. Il contribue, comme d'autres, à la dégradation des routes. Mais le gouvernement wallon a décidé de soutenir les communes avec des compensations, notamment pour l'achat de nouveaux camions qui seraient moins polluants. Et ça, ça va dans le cadre de la transition énergétique. Mais le MR tient à la suppression de cette taxe pour les communes et intercommunales. Ce soir, en Wallonie et à Bruxelles, les libéraux vont interpeller les conseils communaux en ce sens. Les explications de Guillaume Gilbert. Les militaires étaient dans les prisons en grève il y a quelques semaines. Encore une longue grève et cette présence a coûté plus de 654 000 euros. Plusieurs départements vont se charger de la facture. Les militaires qui ont un nouveau patron, Marc Campenol, dirigeait l'armée de terre. Il devient chef de l'état-major de l'armée. Un homme de 59 ans avec derrière lui 40 ans de carrière déjà dans l'armée. Le choix visiblement satisfait autant le gouvernement fédéral que les syndicats militaires. Marc Campenol reçoit un mandat de 4 ans et il entre en fonction demain. Vous écoutez Vivacité, cette constatation, le football coûte cher en matière de sécurité. Et les policiers sont plus que sollicités depuis des mois. Ce matin, le responsable de la Ligue professionnelle de football a été entendu en commission à la Chambre. Il avance une solution, renforcer le rôle des stewards dans les stades. Marc Sirleroux, que propose-t-il exactement et est-ce vraiment réalisable? Oui, et la solution pour Pierre-François de la Ligue professionnelle de football, c'est de confier plus de missions précises aux stewards. Ils n'ont pas actuellement toutes les possibilités qu'ils devraient avoir pour, par exemple, rapidement réagir si des interdits de stade sont dans le stade et ainsi de suite. Mais pas de secret, pour attirer plus de stewards dans les clubs, il faut aussi revoir leur régime fiscal et ne pas les imposer jusqu'à un montant de 2500 euros par an. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Les stewards ont actuellement par année une possibilité de percevoir un montant de l'ordre de 1400 euros, qui sont considérés comme un défraiement forfaitaire non taxable. Si vous comptez plus ou moins 25 euros par manifestation, que vous multipliez ce chiffre par le nombre de matchs que certains clubs sont appelés à jouer à la maison, mais aussi en déplacement, le steward doit connaître ses supporters également en déplacement, on va dépasser ce plafond-là, ça va décourager certains stewards, les mettre dans l'insécurité fiscale, ce qu'il ne faut en aucun cas faire. Une solution qui coûtera plus cher au club, une solution donc plus difficile pour les équipes les moins fortunées. Vous allez devoir stériliser votre chat dès 2017, sauf si vous le destinez à l'élevage. Le ministre wallon du bien-être animal, Carlo Di Antonio, va proposer en septembre un texte pour rendre obligatoire la stérilisation de tous les chats domestiques. Et c'est sa réponse à une campagne menée par Gaïa, l'association de défense des animaux. Elle a profité de l'anniversaire du ministre pour diffuser dans la presse les photos de 14 chatons, tous appelés Carlo, et qui vont tous mourir. Gaïa explique que 5000 chats sont euthanasiés chaque année en Wallonie parce qu'ils n'ont pas trouvé de place dans une famille ou dans un refuge. Les Européens seront bientôt mieux protégés face aux géants de l'Internet comme Facebook ou Google. La Commission européenne adopte un nouveau cadre juridique. En français, il porte le joli nom de bouclier de protection de données. Il doit donc protéger les données personnelles des citoyens européens. Sandro Calderon, c'est la fin de longues et difficiles négociations entre la Commission européenne et l'administration américaine. Ce bouclier digital vient remplacer un ancien accord que la justice européenne avait invalidé fin 2015 parce qu'il n'offrait plus les garanties suffisantes aux Européens. Ce midi, la Commission européenne a donc définitivement approuvé un cadre juridique présenté comme plus efficace. Il prévoit des obligations plus contraignantes pour les entreprises qui traitent des données. Le gouvernement américain s'est engagé de son côté à ce que ses services de renseignement utilisent ces données de manière limitée. Le nouvel accord introduit également des voies de recours plus facilement accessibles pour les citoyens européens. Européens qui voudraient porter plainte pour usage abusif de leurs données. Un médiateur sera nommé au sein de l'administration américaine. Ce bouclier digital est donc censé renforcer la protection des citoyens. Il vise également à apporter de la clarté juridique pour les entreprises. Le traitement des données personnelles à des fins commerciales étant un enjeu économique majeur. Reste que les ONG engagées dans la défense de la vie privée se montrent critiques et dénoncent déjà le bouclier troué ou percé de l'Union européenne. C'était Sandro Calderon. Arrivée à Revel en Haute-Garonne et victoire de Michael Matthews sur la 10e ligne d'arrivée du Tour de France. Samuel Grulois, il a battu au sprint ses compagnons d'échappée. Il est sans doute l'un des coureurs les plus rapides du peloton, mais il ne s'est encore jamais imposé sur les routes du Tour de France malgré des succès déjà sur le Giro et la Vuelta. À 25 ans, Michael Matthews faisait preuve d'une certaine impatience, lui qui est quand même vice-champion du monde en titre. Mais aujourd'hui, en intégrant la bonne échappée à 150 km de l'arrivée, l'Australien avait toutes les cartes en main pour enfin gagner sur la grande boucle, malgré la présence d'un paquet de fameux coureurs à ses côtés comme Sagan, Nibali, Van Avermaet, Galopin ou encore Poasson-Hagen. À Revel, il a dominé sans aucune discussion un sprint à 6 en devançant donc dans l'ordre Peter Sagan, Poasson-Hagen, 4e Greg Van Avermaet qui cette fois-ci n'a pas eu les jambes nécessaires pour s'imposer, 5e Samuel Dumoulin, 6e Daryl Impey qui n'est autre qu'un équipier de Michael Matthews. Le peloton est arrivé quasi 10 minutes après les hommes de tête. Aucun changement évidemment à signaler au classement général. Merci Samuel. Une question pour vous Luca, êtes-vous la génération Pokémon ? Oui, et même que je vais vous épargner le générique. Alors vous rêviez d'attraper des Pokémon quand vous étiez petit ? Oui. Et bien maintenant c'est possible, en vrai. Grâce à un nouveau jeu, une application sur smartphone, Pokémon Go, qui débarque et qui déferle même. En quelques jours, elle a laissé sur place Twitter. Grâce à ce jeu, vous pouvez croiser des Pokémon en rue, chez votre boulanger, et si ça tombe, il y en a même dans ce studio. Quelques explications quand même nécessaires avec Justine Hermans. Il vous suffit d'ouvrir l'application Pokémon Go sur votre smartphone et de vous balader pour tomber sur un Pokémon. Charlie Dutta, spécialiste en nouvelles technologies et adepte de Pokémon Go. En me baladant physiquement, en marchant dans la rue, par moments, il y a des créatures qui vont surgir en réalité virtuelle. Donc ça veut dire que la caméra de mon téléphone va s'allumer et je vais voir la créature se superposer au monde réel, quoi. Et là, je vais pouvoir la capturer. Les joueurs doivent en fait attraper le plus de petites créatures possibles et les faire grandir pour avancer dans le jeu. Un principe qui peut s'avérer positif. Il faut sortir de chez soi, marcher. Il est possible de rencontrer d'autres joueurs, mais il peut aussi devenir rapidement addictif et dangereux. Si on n'est pas très attentif et qu'on ait les yeux rivés sur son smartphone, quand on traverse la rue, si on ne regarde pas à droite, à gauche, on risque, évidemment, on met sa vie en danger. Il y a aussi le fait qu'il faut continuer à respecter les lois quand on joue au jeu. Par exemple, s'il y a un point d'intérêt qui n'est pas accessible ou qui est dangereusement accessible, il vaut mieux passer son chemin et aller en chercher un autre, par exemple. Un autre danger pour le portefeuille, cette fois, l'application est gratuite, mais il est possible de payer pour avancer plus vite dans le jeu. Égare aussi au téléchargement de fausses applications qui sont parfois porteuses de virus. Et vous me dites s'il y a un Pokémon dans mon dos, hein, qu'on l'attrape. Oui, je veux cette appli, je la veux. On jouera ensemble si ça vous dit, tiens. Pas de problème, c'est encore à la mode, hein, de toute façon, les Pokémon. Oui. Ça c'est impérissable, ça ne vieillit même pas. Voilà. Et c'est un vrai plaisir. Par contre, nous, on vieillit. Le sac à 7 de Vivacité commence dans quelques instants. Les soldes XXL sur des centaines d'articles en électro et multimédia, profitez-en aussi sur Krefel.be. Krefel. Les meilleurs prix, service compris. Et on jette un œil sur vos conditions de circulation aux côtés de Claudine Fine. Bonjour Claudine. Bonjour. Sur le ring de Bruxelles, quelques ralentissements pour le moment avec en circulation extérieure entre Grand Bigard et au titre plus 20 minutes et en circulation intérieure entre Zaventem et le carrefour Léonard plus 10 minutes. Dans la capitale, ça coince du tunnel Botanique au tunnel Léopold II direction Basilique, du tunnel Basilique au tunnel Arlois. ainsi que dans le tunnel Porte de Halle, direction le Midi. Alors toujours ce chantier en cours qui cause quelques embarras tout de même pour plusieurs semaines encore sur le 40 Bruxelles-Ostende. Et ce chantier engendre des ralentissements entre Wetteren-Zweinart et ceux dans les deux sens. Il y a donc des files vers Ostende peu après. Erpemer jusqu'à Zweinart, comptez 35 minutes supplémentaires sur la durée de votre trajet initial. En répercussion à ce trafic sur la N9 venant de Bruxelles entre Wetteren et Mail, vous perdez 45 minutes et vers Bruxelles, vous perdez 20 minutes. Patience donc. Etias est le meilleur assurance RC Auto par Decavi. Rendez-vous sur etias.be. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Vivacité et la foire de Libramont présentent l'agriculture, une question de vie. Signez la pétition pour une juste rémunération de l'agriculteur sur www.foiredelibramont.com/pétition. Et rendez-vous tous à Libramont du 22 au 25 juillet. Info sur www.foiredelibramont.com. Les aires d'autoroute, ce n'est pas pour les cochons. En cas de dépôt sauvage de déchets, votre amende sera au minimum de 150 euros. La propreté des aires, ça se respecte. Une initiative de la Sofico avec Vivacité. Vivacité présente, en partenariat avec Engie Electrabel, le beau vélo de Ravel. Rendez-vous samedi à Vielsalm pour une balade sympa autour du lac des Doyards et un bain de chlorophylle géant dans nos forêts d'Ardennes. À l'arrivée, showcase exceptionnel au domaine de Farnières avec Laura de The Voice, Mister Cover et Dave. Info inscription, rtbf.be/lebeauvélo. Avec le soutien de la Wallonie. En forme pour préparer le beau vélo de Ravel avec Engie Electrabel. Vivacité, la 1 et la 2 présentent les Total 24 Hours of Spa. Du 26 au 31 juillet, la plus grande course GT au monde sur le plus beau circuit du monde. Des marques de prestige, un plateau de rêve, animation pour grands et petits, concert du samedi soir. Info et tickets 24hoursofspa.com. Et si vous changiez d'air? Pour une fois, connectez-vous à la nature. Forestia, aventure au cœur de la forêt. Forestia.be. Durant ce mois de juillet, les meubles Teller à Büchenbach vous invitent à la détente. Vous profiterez des soldes pour réaménager votre intérieur. Grâce à nos salons tout confort, nos salles à manger à vivre, nos literies de grande qualité ou nos luminaires, vous jetterez l'ancre pour enfin profiter. Meubles Teller à Büchenbach, votre bonheur sur mesure. UEFA Euro 2016. Le Portugal, champion d'Europe. C'était ce dimanche 10 juillet et vous l'avez vécu en direct sur Vivacité. Besoin de stores décoratifs, protection solaire ou encore teinture et papier peint? Allez chez Déco et Nuances à Erve, spécialiste en aménagement et décoration d'intérieur. Déco et Nuances, Outrecours 118 à Erve Bâtisse. Le commerce autrement, localisy.com. Localisy.com. On ira tous au paradis du matelas. Maintenant, moins 50%. Paradis du matelas, à l'heure, en face du McDonald's. Vivacité. Le 5 à 7 de Vivacité, avec Lucas Correa. Merci d'être avec nous sur Vivacité jusqu'à 19h. Comme tous les jours, on va faire plein de choses. On va voyager en Italie autour d'un scandale à Rome. Je ne sais pas si vous avez vu ça passer sur Internet ou bien sur les réseaux sociaux, mais il y a des jeunes filles qui ont été surprises en plein Rome en train de se baigner en bikini dans une fontaine du XVIIe siècle. Franchement, ça n'a pas plu. Ça a bien fait jaser. Ça a été relayé sur Twitter, sur Facebook. Donc ça nous permet de nous poser une question. Qu'en est-il de chez nous? Est-ce que quand il fait chaud, quand il fait lourd et qu'on a besoin de se rafraîchir, on peut le faire dans un monument où il y a de l'eau. Et sinon, on peut pas le faire, eh bien, qu'est-ce qu'on risque? Ça peut nous coûter cher, d'après moi. On en appellera la police pour avoir la réponse à cette question. Et puis, il y aura aussi des nouveautés à l'Euromillion. Vous êtes peut-être joueur ou joueur occasionnel, mais bien sachez que le jeu de la Loterie Nationale va changer de formule. On va vous détailler tout ça tout à l'heure avec un responsable de la loterie qui nous expliquera vraiment ce qui change. Mais ce qu'il y a de vraiment intéressant pour vous, c'est que ça, on le sait déjà, il y aura plus d'argent à gagner et il y aura plus de gagnants. Autre chose, est-ce que vous avez vu la date à laquelle nous sommes? Nous sommes le 12 juillet, ce qui sous-entend que demain, eh bien, ce sera votre dernier jour pour remplir votre déclaration d'impôt via TaxonWeb. Ouais, vous avez peut-être oublié, il va pas falloir l'oublier demain en tout cas, parce que à minuit pile, eh bien, ce sera terminé. Ou pas après tout. Qu'est-ce qui se passe une fois que minuit est passé? Est-ce qu'on peut encore la remplir? Est-ce qu'on risque des pénalités de retard? On a entendu ce matin qu'il y a eu des petits problèmes techniques autour de TaxonWeb. Il y a plein de gens qui n'arrivaient pas à se connecter. connectés. Est-ce que du coup on aura droit à une prolongation? Ce serait bien ça pour les retardataires. Réponse dans ce 5 à 7 d'aujourd'hui. Et puis une foule de cadeaux. Si vous aimez les spectacles, vous allez pouvoir aller voir le spectacle Amadeus à l'abbaye de Villers-la-Ville. Magnifique cadre. Et le spectacle vaut vraiment la peine. Je vous dirai comment remporter vos entrées. Des entrées à gagner pour le concert de Pascal Obispo également sont prévues autour des Francofolies. Et puis un petit séjour au Futuroscope de Poitiers. Rien que ça. Vous voyez, vous avez bien fait de venir. C'est le 5 à 7 de Vivacité. Vous êtes toujours dans le 5 à 7 de Vivacité. Merci d'être avec nous. Attention, attention, vous devez commencer à paniquer parce qu'on va arriver à la date butoir en ce qui concerne le remplissage de votre déclaration d'impôt via TaxonWeb. Il ne reste plus que 48 heures pour remplir sa déclaration d'impôt via ce site internet. Et pour nous en parler, le porte-parole SPS Finance est avec nous. Monsieur Francis Adens, bonsoir. Bonsoir. Bon, donc, je tiens à préciser, 48 heures, c'est pas totalement exact. Ah ouais, non, j'ai grossi. Moins que 48 heures. En effet, j'ai grossi, vu l'heure qu'il est, on a moins de 48 heures maintenant. C'est demain à minuit, c'est ça ? Demain à minuit. Voilà, et est-ce qu'à minuit, eh bien, le site internet se ferme, tout simplement ? Il n'y a plus aucune possibilité, à minuit 2 par exemple ? Non, pas du tout, c'est une confusion qui existe. Le site sera toujours accessible, mais il est clair que le contribuable qui fait une déclaration via TaxonWeb à minuit, une minute, c'est enregistré, ça devient une déclaration faite le 14 juillet à minuit, une minute, et à ce moment-là, c'est considéré comme étant une déclaration tardive. Voilà, on est en retard, et qu'est-ce qu'on risque quand on est en retard pour remplir sa déclaration ? Ben, les sanctions sont une amende qui peut varier de 50 euros à 1250 euros et en combinaison ou pas avec un accroissement d'impôt qui peut varier entre 10% à 200%. Bon, on a plutôt intérêt donc à le faire en temps et en heure. J'ai vu ce matin dans la presse qu'il y a eu quelques petits soucis techniques. Des gens n'arrivaient pas à se connecter. C'est rétabli ça ? Ben, disons que dans les heures qui viennent, on va publier un communiqué de presse qui va annoncer effectivement que TaxonWeb s'est rétabli, donc il n'y a plus aucun problème au niveau de l'accessibilité de TaxonWeb. Ok, donc pas de prolongation, quoi. Non, il n'y a pas de prolongation qui est envisagée pour le moment. D'accord, alors si on préfère, est-ce que TaxonWeb, c'est un site qui est accessible sur la tablette ou le smartphone ? Oui, tout à fait. C'est une nouveauté, le tablette et le smartphone. C'est la première année. Avant, c'était par un poste fixe qu'on pouvait y accéder moyennant une carte d'identité électronique ou un token, ce fameux papier de forme carte bancaire, mais souple. Mais la grande nouveauté, c'est effectivement cette accessibilité via smartphone ou via tablette. Et puis l'avantage, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui sont déjà préinscrites hein, avec la déclaration TaxonWeb. Oui, pas moins de 302 codes qui sont pré-remplis. Donc, oui. Le nouveau utilisateur de TaxonWeb, il constatera que c'est très convivial et il y a plein de codes pré-remplis, 302 au total, qui a une aide interactive, qui a un système qui renseigne en cas de faute ou incohérence, qui attire l'attention du contribuable là-dessus. Donc, c'est très convivial. On peut faire une simulation du calcul, on peut enregistrer sa déclaration, faire des simulations, puis refaire sa déclaration et interminablement, mais il faut veiller à cette date limite. Donc là, bien enregistrer sa déclaration avant le 13 juillet, minuit. Et on peut joindre aussi avec TaxonWeb des annexes comme des notes de frais et tout ça. Ça peut se faire aussi, effectivement. Des annexes peuvent être jointes à la déclaration. Ok, et donc on recommande évidemment de bien lire les instructions qui sont mises, hein, parce que je sais que pour valider par exemple sa déclaration d'impôt via TaxonWeb, ça se fait en deux fois. Il faut cliquer sur deux trucs à la fois pour vraiment confirmer et être sûr que c'est bien envoyé. Tout à fait, ce n'est qu'au moment que vous recevez de retour une confirmation sur l'écran que votre déclaration a bien été enregistrée que là, il ne faut plus rien faire, sinon, surtout pour les couples, les conjoints, il faut qu'ils introduisent leur carte d'identité chacun pour bien enregistrer la déclaration. Bon, bah là, on n'a plus d'excuses. On sait tout, grâce à vous. Merci d'avoir été avec nous dans le 5 à 7. Dépêchez-vous, hein, si vous n'avez pas encore rempli votre déclaration, parce que vous l'entendez, vous risquez d'avoir une amende. Un grand merci d'avoir été avec nous. Monsieur Adens, porte-parole SPS Finance. Je vous en prie, bonne soirée. La 2, en télé. Je m'appelle Rouma Romanov, ça veut dire j'ai des origines mélangées. J'ai des petits yeux slaves bridés, un bassin méditerranéen. Anne Romanov à l'Olympia, dans Aimons-nous les uns les autres, jeudi soir, sur la 2. RTBF Ovio, c'est ma toute nouvelle plateforme digitale audio et vidéo. RTBF Ovio, c'est facile. C'est une foule de contenus accessibles où, quand et comme je veux. Sur ma tablette, mon smartphone ou mon ordi. rtbf.be/ovio. A-U-V-I-O. RTBF Ovio, libérez vos envies. Vivacité à Serein. En toute complicité. Sur 90.5 FM. Vivacité présente les Showcase Joker Plus du Beau Vélo de Ravel. Salut les amis, c'est Laura Cartesiani. Je vous attends nombreux et nombreuses ce samedi 16 juillet du côté de Vielsalm pour un beau moment sur le Beau Vélo de Ravel. Mister Cover et Dave seront également au rendez-vous. Ciao! Le Showcase du Beau Vélo de Ravel, ce samedi 16 juillet à Vielsalm. Un événement gratuit et accessible à tous. Joker Plus, chaque jour est un jour de chance. Vous écoutez Vivacité, il est 17h30, voici les titres de l'actualité avec Delphine Vreux. Bonjour, le Tour de France sort des Pyrénées, Chris Froome conserve son maillot jaune et Peter Sagan reprend le vert. L'étape du jour est remportée par le sprinteur australien Michael Matthews. Le Belge Greg Van Avermaet a pourtant tout tenté pour s'imposer à nouveau. 20 morts, 35 blessés dans un terrible accident de train en Italie, dans les Pouilles, près de Bari. Certains blessés sont dans un état très grave. Les deux trains se sont comme foncés dessus, tous les deux roulés sur la voie unique à cet endroit. Une ligne fréquentée par des locaux et des étudiants, elle relie plusieurs communes à l'université de Bari. Un enfant a été sorti des vivants, des décombres. La Belgique n'a pas d'informations sur des victimes belges. L'accident est l'un des plus graves de ces dernières années en Italie. Accident encore inexpliqué. Le chef du gouvernement Matteo Renzi a promis que toute la lumière serait faite. L'heure des résultats après le nouveau concours pour les étudiants de première année en médecine et en dentisterie. En médecine, 1112 étudiants ont présenté l'épreuve. 582 sont retenus, 530 sont recalés. Sur les retenus, une centaine n'ont pas rempli la deuxième condition à leur passage vers la deuxième année, à savoir la réussite d'au moins 45 crédits. Ils pourront tenter d'engranger les crédits manquants en septembre lors de la prochaine session. Merci Delphine, on développe évidemment tous ces titres dans le journal de 18h. Du côté de la météo, eh bien on nous avait pas menti Dominique, hein. On parlait du soleil, on l'a eu, on parlait du vent, on l'a eu, on parlait de la pluie, on l'a eu. Qu'en est-il maintenant? Eh bien encore quelques averses résiduelles dans le sud-est du pays pour la nuit prochaine, sinon retour d'un temps sec partout ailleurs, minima 9 à 13 degrés. Puis demain, nous aurons une alternance d'éclaircies, de passages nuageux le matin, puis des averses l'après-midi, donc un petit peu comme aujourd'hui. Voilà. Et un coup de tonnerre localement qui n'est pas impossible, et côté de température, on reste dans la même moyenne, 16 à 19 degrés. Ce qu'il y a de bien quand il y a un petit peu de tout comme ça, c'est qu'on ne peut pas se tromper dans la météo, c'est sûr. Par contre, il n'y a plus d'exactitude sur les routes, hein, Claudine Fine. Ben oui, oui, on fait ce qu'il faut, hein, ma foi, pour vous informer le mieux possible. Alors, il y a toujours ce chantier en cours, hein, pour plusieurs semaines encore, sur le 40 Bruxelles-Ostende. Il engendre des ralentissements entre Wetteren et Zweihnacht, et ce, dans les deux sens. Il y a donc des files vers Ostende. Peu après Herpemer jusqu'à Zweihnacht, comptez 35 minutes supplémentaires sur la durée de votre trajet. En répercussion à ce trafic, puisque vous prenez un itinéraire bis, et bien sur la N9 venant de Bruxelles entre Wetteren et Mail, vous perdez 45 minutes. Et vers Bruxelles, donc toujours sur le 40, vous perdez 20 minutes. Sur le ring de Bruxelles, à vous signaler quelques ralentissements. En circulation extérieure, entre Grand Bigard et Au-Titre, plus 20 minutes. Et en circulation intérieure, entre Zaventem et le Carrefour Léonard, plus 15 minutes. Et dans la capitale, ça coince dans les tunnels. Heure de pointe oblige, comme d'habitude. Etias est le meilleur assurance RC Auto par Decavi. Rendez-vous sur etias.be. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. 17h, 19h, 5 à 7 sur Vivacité. On va vous parler d'un scandale, à Rome, en Italie, où des jeunes filles ont été surprises en train de se baigner en bikini dans une fontaine du XVIIe siècle. Ah, ça fait jaser, hein. Il y a même pas mal d'émotions autour de cet événement qui a bien été relié sur les réseaux sociaux. On aura la réponse à plusieurs questions dans cette émission. Qu'en est-il de chez nous? Est-ce que chez nous on peut le faire? Tiens, aller mettre ses pieds par exemple dans une fontaine, même si elle est ancienne, sur ce monument public, ou bien est-ce qu'on ne peut pas? Et si on ne peut pas, qu'est-ce qu'on risque? On va appeler la police pour avoir plus d'informations là-dessus. et des réponses à nos questions. Il y a des nouveautés aussi du côté de l'Euromillion. Et oui, le jeu de la Loterie Nationale va faire peau neuve et va changer de formule. On va tout vous détailler sur tout ce qui change. L'important, c'est qu'il y aura plus d'argent à gagner. Des concours, il y en a encore de prévus autour de Pascal Obispo, autour d'un spectacle sur Mozart et puis aussi un séjour au Futuroscope de Poitiers. On en reparle, restez avec nous. Cuisine Créfell. Nos soldes, c'est jusqu'à moins 30% sur toutes les cuisines sur mesure. Cuisine Créfell, mon rêve, ma cuisine. Chez Poincaré, les soldes, je re-adore. Deuxième des marques, et c'est moins 40% sur tous les articles de la saison à l'achat de 3 pièces, hors exception. Mais oh, attendez, il y a déjà moins 60 et moins 70% sur plein d'autres articles. Oh, j'adore. Plus d'infos sur poincaré.eu. Essentiel by Mobipin. Les meilleurs soldes en mobilier contemporain. Exclusif, unique, authentique. Découvrez les tendances les plus chics. Essentiel, route du Condroit à Neufré, ouvert aussi le dimanche dès 14h. Essentiel, votre créateur d'ambiance. Maison Hardy, créateur de chaleur. Jusqu'au 31 juillet, profitez des soldes à la Maison Hardy, votre spécialiste en chauffage et électroménager à Liège. Conditions exceptionnelles sur tous nos poêles à pellets. Actions spéciales sur les foyers à bois et les cheminées décoratives Stuve. Profitez de nombreux électroménagers soldés. Maison Hardy, créateur de chaleur. Maison Hardy, depuis 1893, derrière l'hôtel de ville à Liège. Solde monstre au Meuble Mailleux. C'est le meilleur moment de l'année pour réaliser de bonnes affaires. Info et promotion sur meublemailleux.com. Forestia, aventure au cœur de la forêt. Forestia.be. Vivacité présente 3D World Magic and Fun Ostende. L'événement dont tu es le héros. Du 16 juillet au 28 août, pose avec ta famille et tes amis dans 40 décors vraiment fun. Découvre la vidéo Arctic Explorer et deviens l'acteur d'un court-métrage avec de nombreux animaux si tu n'as pas froid aux yeux. Info 3DWorldBelgium.be. 17h, 19h, 5 à 7. Vivacité. On va vous parler d'un sport méconnu dans quelques instants, le softball. Mais d'abord un autre sport, le vélo. Et oui, vous le savez, le beau vélo de Ravel est lancé depuis quelques temps maintenant. Il y a une petite nouveauté autour de cet événement, une grande nouveauté, que dis-je. C'est la nuit du Ravel. Vous allez pouvoir faire une balade en boucle de Namur à Namur en passant par différentes attractions touristiques. Vous allez notamment vous arrêter à l'abbaye de Floreffe à Fosse-la-Ville, à l'abbaye de Maretsou, au musée de la fraise de Wépion, avant de revenir à Namur. Inscrivez-vous, c'est obligatoire, vous le faites sur le 3xw.nuitduravel.be, un bel événement familial. Je vous l'ai dit, on vous offre pas mal de cadeaux aujourd'hui sur Vivacité et là c'est un chanteur qui est mis à l'honneur. Et ce « oh oh oh », c'est Pascal Obispo qui le fait. Vous allez pouvoir l'applaudir au Francofolie de Spa. Ce sera précisément le 20 juillet. Je ne sais pas si vous avez déjà vu Pascal Obispo sur scène, mais ça vaut vraiment la peine. À part, enfin, hormis ses performances vocales et ses talents de musicien, c'est un véritable showman. Vous pouvez remporter vos entrées pour cet événement en envoyant un simple SMS dès maintenant sur Vivacité. On fera le tirage au sort dans cette émission. Vous envoyez Obispo avec vos coordonnées complètes au 6003 pour 75 centimes. Par message envoyé au reçu. Donc Obispo, coordonnées complètes au 6003 pour gagner vos entrées. Bah justement, on parle des francopholies, on parle des festivals. On s'est dit qu'aujourd'hui, comme fil rouge, on allait vous poser cette question. Quel est votre meilleur souvenir de festival? Une petite anecdote qui aurait pu vous arriver dans le public ou bien un moment de complicité peut-être avec un artiste ou tout simplement un bon moment que vous avez envie de faire partager. Vous n'hésitez pas à l'envoyer sur la page Facebook du 5 à 7, 5 à 7 Vivacité sur Facebook. Ou bien par SMS, mais attention, c'est un autre numéro que pour les concours. Hein. Notez-le bien que c'est le 30 63 pour 50 centimes. Et on papotera tout ça et on va pouvoir aussi voir des chanceux peut-être qui ont pu rencontrer leur artiste préféré. On en reparle tout au long de cette émission. 5 à 7. Je vous l'ai dit, on parle de sport et un sport qu'on ne connaît pas. C'est pas plus mal que l'Euro soit fini parce qu'il y en avait que pour l'Euro, que pour le football. Mais il y en a pas très souvent pour le softball. Pour nous parler de ce sport méconnu, Christelle Moret est avec nous. Bonjour Christelle. Bonjour. Vous êtes vice-présidente de la Ligue francophone belge de baseball et de softball. Alors dites-moi d'où il vient ce sport ? En fait, le softball a été créé parce que le baseball se joue uniquement en extérieur. Oui. Et à un moment donné, le baseball voulait aussi s'entraîner en intérieur, pour en période d'hiver, ce genre de choses. Donc ils ont créé le softball, qui se fait autant en intérieur qu'en extérieur, joué autant par les femmes que par les hommes ou en mixte. D'accord, donc foncièrement le principe est le même que le baseball alors ? Oui, il y a quelques petites différences. Le pitching, on lance par le bas en softball, alors que le pitcher en baseball lance par le haut. La taille de la balle est un peu différente, elle est un peu plus grosse en softball, et puis la forme de la batte est un peu différente aussi en softball, mais sinon le principe est le même, la distance entre les bases est un peu plus courte. C'est un jeu beaucoup plus vif, beaucoup plus speed, et avec beaucoup d'action. Alors pourquoi on l'appelle aussi balle molle ? Parce qu'on l'appelle balle molle. J'ai lu ça. C'est quoi le rapport ? Mais ce n'est pas une balle molle du tout. Elle fait 180 grammes. Elle fait 30 cm de circonférence. Ce n'est pas du tout une balle molle. Mais en intérieur, on joue souvent en balle molle, en effet. Ah voilà. C'est moins dangereux en fait. C'est moins dangereux, oui. Et bon. Puis on évite de casser les vitres à l'intérieur. C'est la spécialité d'un pays en particulier, d'une nation en particulier, ou bien ça joue partout ? Non, ça joue vraiment partout. Ça a été créé au début du XXe siècle, donc ça fait très longtemps que ça existe. Et on voit de plus en plus, c'est encore un sport méconnu, il n'y a pas beaucoup de publicité autour de ce sport, mais vraiment, on joue partout en Europe, aux États-Unis, au Japon, on trouve ce sport vraiment partout. Et les Belges, ils sont bons là-dedans ou pas ? Ah, ils sont pas mauvais. Ah. Ils sont pas mauvais. Ah, parce que pour l'instant, il y a l'équipe nationale de softball hommes, qui est à Montegranaro, ouais, en Italie. En ouais. Italie, oui. Et bientôt, l'équipe de soft dames junior va partir à Barcelone, en Espagne. Oh bah, bonne nouvelle alors, maintenant que nous, on a perdu l'euro de toute façon, on peut suivre le softball, parce que là, on a peut-être nos chances. J'ai quand même lu que ça se jouait beaucoup au Canada. Est-ce que c'est vrai que c'est beaucoup plus joué au Canada ? Il y a une ambiance comme ça, un petit peu à l'américaine, parce que le baseball aussi, ça sous-entend plus les États-Unis là. Oui, tout à fait. Au Canada, c'est extrêmement répandu. Évidemment, leur championnat, il est vaste. Elles doivent se déplacer en avion pour aller faire leur petit tournoi qui constitue leur championnat. Nous, évidemment, on n'a pas ce problème de distance. Même si on va du côté flamand, je veux dire, tout est accessible très vite. Le seul problème, entre guillemets, c'est qu'il y a peu d'équipes de softball en Wallonie. Il n'y en a que 4. Alors qu'il y en a beaucoup plus du côté flamand. Vous m'avez donné envie. Je cherche un sport et là je le sens bien. Là. Ça va peut-être être le bon enfin. Vous pouvez venir essayer quand vous voulez. Eh bien, je vais prendre votre proposition vraiment en mots. Parce que c'est intéressant. Je vous conseille d'aller découvrir des images de ce sport qui est en effet assez vif. Un grand merci d'être venu éclairer notre lanterne. Avec Christelle plaisir. Moret, vice-présidente de la Ligue francophone belge de baseball et de softball. Il est temps de parler Euromillion. Allez, il est temps de parler argent maintenant dans le 5 à 7. Vous êtes peut-être des joueurs de l'Euromillion. Eh bien, sachez qu'il va y avoir quelques nouveautés. Et oui, la Loterie Nationale prévoit de changer la formule actuelle de l'Euromillion, mais pour plus de gagnants encore et pour plus d'argent à gagner, tout simplement. Alors, on va voir le détail de tous ces changements avec Pierre-Laurent Fassin, qui est avec nous, qui est porte-parole de la Loterie Nationale. Bonjour Pierre-Laurent. Bonjour à tous. Alors, tous ces changements, ça va rapporter plus d'argent aux joueurs alors ? Évidemment, c'est le but, c'est de rendre ce jeu que tout le monde connaît en Belgique, mais également en Europe, puisque c'est 9 pays européens, Euromillion, ce n'est pas que la Belgique. Mais évidemment, on essaye évidemment de faire de plus en plus de gagnants à ces gros montants. Hein. On connaissait des montants qui pouvaient aller des fois jusqu'à 190 millions d'euros. Ben, on va encore améliorer cette mécanique pour avoir de plus en plus de gros montants et de faire également beaucoup plus de gagnants avec cette nouvelle formule. Ce n'est pas un changement, c'est une amélioration avec quelques petites amélioration qui normalement, et on en est certain, va amener beaucoup plus de gagnants en Belgique notamment. Oui, comme le My Bonus. Qu'est-ce que c'est ça ? Voilà, en fait, le My Bonus est un jeu qui est uniquement organisé en Belgique pour permettre à au moins un Belge de gagner 1 million d'euros 4 fois sur l'année. Donc c'est un tirage qui va avoir lieu dans toute la zone Euromillion. Mais si il n'y a pas de Belge qui gagne dans ce tirage Euromillion. La Loterie Nationale refait un tirage supplémentaire avec le numéro qu'il y aura sur le ticket pour permettre à un Belge d'avoir ce million d'euros. En plus de cela, on augmente le nombre de gagnants des rangs inférieurs. Ainsi, chaque semaine, il y aura 600 gagnants qui vont gagner chacun 500 euros, 200 le mardi, 400 le mardi. Et puis, il y a aussi des rangs supplémentaires, en tout cas des gains supplémentaires dans les rangs inférieurs. Plusieurs fois par an, des gains de 10 euros seront redistribués. Il y aura tout normalement quelque chose comme près de 900 000 gagnants en plus en un an. Et le prix de l'euro-million actuel, ça va changer ça ou pas ? Alors, le prix va un petit peu augmenter. Il va passer de 2 euros à 2,50 euros. Il faut savoir que c'est la première fois que le prix augmente depuis 2004. Depuis la création d'euro-million, c'est la première fois en 12 ans que le prix augmente. Mais le prix augmente aussi dans les autres pays. Et nous, parce qu'on propose également quelque chose de supplémentaire qui va permettre à de nombreux Belges de gagner des petits montants, mais aussi 1 million d'euros. Et je vais être tout perturbé, moi, parce qu'il y a l'introduction d'une 12e étoile, j'ai vu aussi. Oui, ça évidemment, change un petit peu la matrice. Les évolutions font qu'on doit rajouter une étoile supplémentaire. C'est clair que les chances globales de gagner le rang 1 vont un petit peu diminuer. Mais à côté de cela, on passe aussi d'un jackpot minimum de 15 millions à 17 millions d'euros. Plusieurs fois par an, on fait toujours un super jackpot, un tirage exceptionnel de 100 millions. Eh bien, désormais, ce sera 130 millions d'euros. Et donc, ce sont toutes des améliorations qui sont là aussi pour compenser l'augmentation de la grille et de la combinaison. On a beaucoup de Belges gagnants de l'euro-million, un million, riches à million, je veux dire. Alors on en a beaucoup. Il faut savoir que depuis qu'on a lancé Euromillion en Belgique en 2004, 25 Belges ont gagné le rang 1. Au total, ce sont 2 milliards d'euros qui ont été redistribués aux joueurs Euromillion en Belgique. Donc clairement, la Belgique se situe vraiment très très bien dans le classement des pays Euromillion qui gagnent beaucoup. On rappelle en passant qu'on peut jouer aussi via Internet. Hein, c'est iloto.be. Quand on joue comme ça sur Internet, si on gagne une grosse somme, qu'est-ce qui se passe ? Parce qu'on pourrait avoir un choc en la voyant arriver sur notre compte. En fait, il y a un mail qui vous arrive et qui vous indique que vous avez gagné un montant à l'euro-million. Ce montant ne vous est évidemment pas directement versé sur votre compte joueur. Il y a un versement qui se fait sur le compte bancaire puisque vous avez dû remettre ces coordonnées bancaires lors de l'inscription. Et puis, il y a un contact qui est pris de toute façon avec le personnel de la Loterie Nationale pour un peu arranger les choses. Oui, voilà, pour éviter d'avoir un choc un peu trop important en regardant son extrait de compte. Bah, vous nous avez fait rêver, encore une fois, avec ces grandes sommes et tout. Vous savez ce qu'il vous reste à faire, les amis, si vous voulez être riche. C'est à partir du mois de septembre. Donc, le premier tirage aura lieu le 27 septembre. Et donc, les changements vont vraiment s'opérer à partir du 24 septembre, puisque le 23 septembre, il y aura encore l'euro-million version actuelle. Et le premier tirage de la nouvelle version aura lieu le 27 septembre. Donc, il faudra remplir un nouveau bulletin. Les nouveaux bulletins vont arriver dans les points de vente. Mais ceux-ci ne pourront être validés qu'à partir du 24 septembre 2016. Et vous faites bien de l'avoir précisé. Donc, c'est pas pour tout de suite. On a bien le temps de pouvoir assimiler toutes ces nouveautés. Un grand merci d'avoir été avec nous. Pierre-Laurent Fassin, porte-parole de la Loterie Nationale. Bonne soirée. Également, au revoir. Il y a des rendez-vous à ne pas manquer. Des voyages extraordinaires où les couleurs, les matières et les idées vous emportent loin. Il y a des soldes qu'on ne louperait pour rien au monde. Il y a Imagine, près de chez vous, à Neupré. Des soldes sur l'ameublement qui valent vraiment le voyage. C'est chez Imagine, 132 route du Condroit à Neupré, ouvert même le dimanche. www.imagine.be. Pas de fête de fin d'année sans feu d'artifice. Brico Rulo, le plus grand choix de feu d'artifice de la région au meilleur prix. Brico Rulo à Tinlot, membre Andy Home. Les vacances, ça n'attend pas. Et encore moins l'achat d'une nouvelle voiture pour partir. Celle-là est très bien. Allez-y, on la prend. Parfait, madame. Attends, tu crois, moi j'aurais voulu un écran tactile avec GPS intégré. Ah, passe-moi ton smartphone. Vous auriez de l'adhésif pour fixer ça au tableau de bord. Chez Peugeot, cet été, pas besoin de faire de compromis. Il y a les offres prêtes à partir. Des Peugeot super équipés, disponibles immédiatement, à un prix super intéressant. Découvrez toutes nos offres sur webstore.peugeot.be. Offre soumise à condition. Chérie, ils viennent jouer quand déjà les Stones ? Les Stones après-demain, je crois. Oula, faudrait qu'on fasse un peu de place dans le salon quand même, non ? Bon. C'est le moment de devenir scandaleusement riche. Ce mardi, jackpot de près de 30 millions d'euros. Jouez à Euromillions dans votre point de vente, en ligne et sur mobile via iloto.be. Jusqu'à 19h, 5 à 7. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée et peut-être que pendant cette journée, vous avez surfé sur les réseaux sociaux où il y a eu un véritable scandale, en tout cas en Italie, à Rome. Il y a une photo qui est sortie, on y montrait trois jeunes femmes en train de se baigner en bikini dans une fontaine du XVIIe siècle. Scandale et émotion, la presse a bien relayé la chose un petit peu partout sur les réseaux sociaux. Elles étaient tentées évidemment, il faisait combien ? Il faisait 32 degrés, donc la tentation était grande de se rafraîchir dans un point d'eau bien pratique. en plus, est bien grand et bien vaste. Hein, vous le verrez sur l'image si vous voyez la photo sur Internet. Mais en Italie, la baignade dans ce genre d'endroit est interdite et passible d'une amende de 200 euros. Bon, ok, ça c'est pour l'Italie, mais qu'en est-il de chez nous? On va le savoir avec le commissaire de la zone de police de Montskevi, commissaire Xavier Bourdiouduy est avec nous. Bonjour commissaire. Oui, bonjour, comment allez-vous? Mais très bien vous-même. Oui, écoutez, moi ça va, très bien. Ça va, aujourd'hui il ne fait pas trop chaud, on ne va pas aller se baigner dans des fontaines historiques du 17e. Mais s'il faisait chaud, et si on avait envie en Belgique, on peut faire trempette comme ça? Écoutez, tout dépend en fait de différentes communes. En tout cas ici à Mons, malheureusement, ça n'est pas prévu. Donc le fait de se baigner dans une fontaine ou dans un étang ou quelques points d'eau que ce soit à proximité de Mons ou dans Mons, en fait est repris dans le règlement général de police. Et malheureusement, c'est quand même relativement salé puisque ça peut monter jusqu'à 250 euros si on devait se faire prendre en train de nager dans ce type d'endroit. Ah ouais, et même les pieds, si on met juste les pieds par exemple, c'est bon ça ou c'est pas bon? Écoutez, on ne va pas chicaner. Je vois par exemple, sur la place de Mons, parfois il y a des enfants, des jeunes enfants qui jouent avec, avec la fontaine. Bon, bien sûr, on n'est quand même pas non plus à tout regarder et à être aussi mesquin. Mais clairement, en fait, l'idée, c'est quand même d'un, de respecter les points d'eau, de deux, de respecter également les différentes infrastructures qui sont mises en place. Et puis, bon, il y a aussi, là-dedans, on reprend en fait tout ce qui pourrait gêner le public, hein, donc le fait de se montrer en petite tenue ou des choses pareilles, ben, ça peut constituer un outrage aux bonnes mœurs, évidemment. Alors vous l'avez dit, hein, combien on risquait d'amende, c'est plus de 200 euros pour ça. Ça arrive souvent que vous colliez une amende pour ce genre de fait parce que... Écoutez, ça, c'est assez rare, simple bonne raison, c'est qu'il n'y a pas réellement de fontaine aussi magnifique qu'on peut trouver à Rome, hein, donc c'est vrai que c'est assez rare. Maintenant, effectivement, en tout cas, depuis que je suis ici à Mons, ça fait une quinzaine d'années, je n'ai jamais eu à devoir verbaliser. Et parfois, on n'a pas envie. On n'a pas envie parce que l'eau est tout simplement pas belle, pas bonne, elle est sale. Et puis, il n'y a pas 32 degrés ici, hein, il n'y a pas 32 degrés. C'est sûr. Parfois on peut. Mais d'une manière générale, parce que là, on parle des fontaines en particulier et de se baigner, mais on ne fait pas joujou avec les monuments historiques, hein, de toute façon. Ça, on peut mais pas. Oui, voilà, de toute façon, comme vous dites, hein, les monuments historiques sont difficiles à entretenir, sont beaucoup plus fragiles que les constructions récentes. Et donc, effectivement, bon, presque pour le respect du patrimoine montois ou belge, hein, parce que bon, ici je parle de Mons parce que c'est ma zone, mais effectivement, ce type de comportement n'est pas accepté ici en Belgique. Ouais, parce que je me souviens, il y a quelques années maintenant, il y a certaines personnes qui s'étaient amusées à déguiser le mannequin piece. Là, c'est plus grave comme amende et comme infraction, j'imagine. Écoutez, pour autant qu'il n'y ait pas de dégradation, je veux dire, bon allez, parfois ça peut être une petite blague, mais ici à Mons, par exemple, un jour, une statue de Léopold, ben, il l'avait maquillé, il l'avait abîmé, et donc forcément, ça engendre des frais pour l'entretien. Et donc voilà, effectivement, là, ce genre de comportement, ben, il y a une tolérance zéro quand même qui est appliquée. Bon bah voilà, vous avez bien éclairé notre lanterne avec les grosses journées chaudes hein, qui s'annoncent ici cet été en Belgique. On sait qu'on ne peut pas trop aller se baigner donc dans ce genre de fontaine. Un grand merci d'avoir été avec nous, monsieur le commissaire. Avec grand plaisir et passez une excellente soirée. 5 à 7. Je vous invite il y a quelques instants à envoyer un SMS pour aller voir Pascal Obispo sur scène. Bah, je vous fais une petite piqûre de rappel parce qu'on n'a pas encore fait le tirage au sort du gagnant. Donc vous pouvez toujours envoyer vos SMS. Pascal Obispo sera sur la scène des Francofolies de Spa. Ce sera le 20 juillet prochain. Il va chanter tous ses tubes, millésimes, personnes, fans. Et puis les titres de son dernier album également pour remporter ses entrées. Il vous suffit d'envoyer tout simplement Obispo avec vos coordonnées complètes par SMS au 6003 Obispo. Coordonnées complètes 6003 pour 70 centimes par message envoyé ou reçu. Et donc, je me suis dit qu'on allait vous poser la question aujourd'hui eh bien, de vos meilleurs festivals, vos meilleurs souvenirs précisément d'un festival, puisqu'on parlait des Francofolies de Spa. Je ne sais pas, vous avez peut-être eu la chance de rencontrer un artiste, aussi des bons moments dans le public ou encore des surprises que les artistes peuvent vous réserver pendant ces festivals. Et Jerry de la Hulpe voudrait en partager un avec nous. Bonjour Jerry. Oui, bonjour. Alors dites-moi, Jerry, vous étiez où? De quel festival vous allez parler? Alors il s'agit du festival de jazz qui est organisé tous les 2 ans à la Hulpe, qui s'appelle le Toots Jazz Festival. Mmh. Il faut savoir donc que Toots Tillemans habite la Hulpe. Bah oui. Et donc, il y a donc un festival de jazz dont il est bien sûr dont il était la tête d'affiche. Et il y a 2 ans, la tête d'affiche était Thomas Dutronc. Oui. Thomas Dutronc qui donnait un récital, non pas de variété, mais un récital manouche. D'accord. Il a invité, entre guillemets, tout ce qui était dans la salle et qui, donc, comme vous savez, a mis fin à sa carrière. Tout cela rejoint sur scène et là, on a eu droit, pendant près d'une demi-heure, à un duo. Moi, j'en ai les poils qui se dressent sur les bras, rien qu'en parler. Hein. Une demi-heure, c'est un beau cadeau, ça. Hallucinant. Salle était... Il n'y a plus rien qui bougeait dans la salle. C'est un moment de grâce absolument extraordinaire. Ah, ça doit rester bien gravé dans votre mémoire. Beaucoup d'émotions, j'imagine, dans toute la salle. Ah oui, c'était énorme. Bon, surtout que ce monsieur, en effet, a mis fin à sa carrière. Donc, vous avez eu la chance de le voir sur scène aussi longtemps et bien accompagné de Thomas Dutronc. Ben, merci beaucoup, Jerry, d'avoir partagé ce souvenir. On a senti votre émotion. Hein. On l'a vraiment bien senti à travers la radio. Merci à vous. Continuez de papoter comme ça vos meilleurs ou vos pires souvenirs de festival. Moi, par exemple, je vous donne une chose qui m'est arrivée vite fait. Je me suis fait insulter par Madonna. Bon, je vais pas vous en dire plus, mais elle était sur scène. J'étais dans le public et j'ai fait un truc qui lui a pas plu du tout. Ben bon, moi, on s'en fout. Après tout, c'est vos souvenirs qui compte et vous les envoyez au 30 63 pour 50 centimes par message. On repart dans le temps avec le cactus tout de suite. Le 19 du 10, le standard était lanterne rouge de la Jupiler League. Le fait sportif du week-end, nous ne pouvons passer sous silence hein, cette défaite humiliante, vraiment hein, synonyme, cette dégelée, oui. Extraordinaire tout de même, hein, tomber aussi bas. Ouais, vous avez du mal à dormir hein, dans la nuit de samedi à dimanche. Hein, ça, j'ai passé une nuit blanche, hein, ouais. Je me suis repassé le match de samedi en boucle toute la nuit. Vous êtes masochiste ou quoi? Ben non, je ne suis pas du tout gazochiste. Je dis que ça n'arrive pas tous les ans, qu'il faut savoir profiter de ces moments. Oh là là, la claque. Attendez. Je vais te dire, Poro, à un moment, j'étais gêné pour eux. Ben, j'imagine, même si l'équipe, encore une fois, n'a pas démérité et aurait pu forcer le nul. Hein. Le nul? Ça va aller des 63-16. Non, tu peux rejouer le match 10 fois, jamais tu ne ramèneras le nul. Hein. Non, mais... Ça, les bleus, j'avais bon. C'est hein. Pas... Et là, ils ont vu ce que c'était une vraie marée noire, cul de jatte de coq. Oui. Et un cul de jatte, vas-y pour te faire une poule. Ah, bah, déjà, vas-y pour le dire. Hein. Non, écoutez, attendez un peu maintenant. Mais neuf essais dans la vue, les tricolorisés. Bah, oui. En sport, ils peuvent s'asseoir sur leur baguette ou salami à l'ail. C'est quelle ça. Que soit la forme du ballon, ils sont nuls, les Français. Les seuls essais que les Français sont capables de réussir en Zélande, c'est les nucléaires. C'est ça. Je vous parle pas de rugby maintenant, arrêtez. Ah non. Maintenant, je vous parle de football, le match du standard samedi. Ah ah. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont perdu chez eux contre Westerlo. Comment donc ça? Ce matin, sur les quais du Guillemin, j'ai vu une centaine de mecs habillés en rouge qui gueulaient avec des calicots. Mais non, mais c'est pas le RSCL, ça, c'est la CGSP, ça. Bon, le standard est dernier du classement, hein. Ouais, ça va. Hein. Moi, j'essaye de faire ce que les joueurs du standard devraient essayer de faire dès le coup d'envoi, hein. Gagner du temps pour forcer un 0-0. Ben hein. Oui. Partout les sclessins, et c'est pas possible. Hein. Et plus mauvaise défense du championnat. C'est vrai. On a le même goal average que l'équipe de France de rugby. Moins 39. Oui. Mais les tests physiques au standard, ils les ont calqués sur ceux du handisport. Mais non, attendez, c'est pas un manque de bonne volonté. Il peut pas dire qu'il court. Il court, hein. Mais bien sûr qu'il court. Il n'arrête pas de courir, mais derrière le score, c'est ça le problème, hein. Attention, Poro, hein. Supporter d'un jour, supporter de toujours. Ouais. Attention, ouais. Mais franchement, là, je crois qu'on a moins de chances de ramener le tétre en bord de Meuse que de ramener Anne-Marie-Lisa au maillot radouille. Oui, alors, écoutez, un peu de décence. Hein. L'enterrement n'a même pas été. Ah bon encore. Ben moi, j'ai vu de la fumée blanche qui sortait des cheminées de Tihange 3. C'était pas l'incinération. Non, Kiki, c'est bon. Arrête. Maintenant. Tu crois allez. Que si on raconte une blague, oui, on termine par Épitaphe Lisère. Non, allez, on va avoir des problèmes. Fichette, oui, tu vois, oui, je comprends. Oui, on va avoir des problèmes, mais on n'a pas bien compris. Tu bon, te rends compte, Poro, la dernière fois que le standard a été dernier du championnat, c'est en 51, c'est l'année vrai. Où Baudouin prêtait serment. Ah, c'est oui. un signe. Oui. Il fallait bien qu'à un moment, le projet avorte. Bon, mais vous voulez qu'on se fasse virer, là? T'en fais pas, hein. Si un type comme Ferreira ne se fait pas encore virer avec des résultats pareils, il n'y a aucun travailleur au monde qui est menacé. Ça, c'est vrai, oui. Et je vais te dire, il y a eu beaucoup d'affaires au standard ces dernier temps, mais là je te dis, là moi je suis d'accord de payer l'entraîneur pour que les joueurs ne jouent plus. Hein. Ah bah, avec des raisonnements pareils, vous filez droit vers la D2, hein, mon vieux. La D2, la Proximus League, Kingen, la oui. Proximus League, oui. Eux ils nous soutiendront pas. Je peux te dire que Proximus, vu leur tarif, ils sont pas prêts d'être dans le rouge. Hein. Ça c'est vrai, mais vous allez vous en sortir, hein. Évidemment, vous allez vous en sortir. Mais hein. Bien sûr qu'on va s'en sortir, hein. Mais tout tourne fou pour le moment. Hein. On est dernier, oui. Anderlecht a marqué un pénalty ah, hier, oui. Et les Diables Rouges sont numéro 1 mondial. D'ailleurs, c'est n'importe quoi, ça. Les Diables, premiers à la FIFA, ça ne m'étonne pas que des Blatter et Platini aient des problèmes avec la justice. Allez, dès la prochaine journée à Charleroi, on se fait du zèbre et on repart. Et oui, les safaris oui. sont ouverts. Oui, mais on raccroche vraiment à ce qu'on peut. Hein. Tu l'as dit. Hein. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la semaine prochaine, on ne se fera plus battre par le dernier. Ah ben, ça, c'est sûr. Ben voilà, merci bien. Dis, votre partenaire pour l'été. Solaire, mini-format, premier soin. Tout est chez Dis. Dis, faites-vous plaisir. Et juste avant le journal de 18h sur Vivacité, on va faire un point sur la météo de ce soir et de cette nuit. On va tout mettre ensemble. Oui, avec encore quelques averses résiduelles dans le sud-est du pays la nuit prochaine. Et puis sinon, le retour d'un temps sec partout ailleurs. Minima 9 à 13 degrés. Demain, un petit peu le même topo qu'aujourd'hui. Alternance d'éclaircies de passage nuageux le matin. Et puis des averses l'après-midi avec même localement un coup de tonnerre. Et au niveau des températures, on reste dans la même moyenne. 16 à 19 degrés. Jeudi, apparemment, les averses vont s'espacer. On va gagner un petit degrés. Et puis on nous annonce pour la fin de la semaine un retour à un temps sec. Du lundi au vendredi, la quotidienne, dès 19h, Vivacité vous fait découvrir ses coups de cœur musicaux, toutes les dernières nouveautés et les titres les mieux classés de l'émission du samedi matin. Numéro 3. Numéro 2. Numéro 1. Et samedi dès 10h30, découvrez le nouveau classement avec Thomas Lorides. Tip top. 6 jours sur 7 sur Vivacité. 24 heures sur 24 sur vivacité.be. Vous écoutez Vivacité, il est 18h, voici les titres du journal. 20 morts et des dizaines de blessés, c'est le bilan provisoire de cette collision de train en Italie. Les secouristes sont toujours sur place pour tenter de retrouver des survivants. Gaïa, l'association de défense des animaux, a baptisé des chatons Carlo, comme Carlo Di Antonio, le ministre wallon du bien-être animal. Une façon de plaider pour une stérilisation de tous les chats. Il y en a peut-être un juste à côté de vous et vous ne le savez pas, les Pokémon, ils ont toujours la cote et ils font le buzz avec une application pour smartphone. Le principe, les attraper bien sûr, et le terrain de jeu, c'est la vraie vie. Et en ce qui concerne le sport, l'avenir de Mark Wilmots est en suspense. La réponse à la question « Sera-t-il maintenu comme sélectionneur des Diables Rouges ?» eh bien tombera dans la semaine. Le journal de 18h, il vous est présenté par Yasmina Favaro. Bonjour. Bonsoir Lucas, bonsoir à tous. L'Italie en deuil, au moins 20 morts et des dizaines de blessés après une collision frontale entre deux trains dans le sud, dans la région des Pouilles. Un dramatique bilan, toujours provisoire, mais c'est déjà l'un des plus graves accidents en Italie ces dernières années. La catastrophe s'est produite vers 11h30 ce matin. Le choc a été d'une extrême violence, comme en témoigne cette rescapée. J'étais poussée en avant, je ne sais pas ce qui s'est passé, tout est allé si vite. Je ne sais pas, j'ai vu ma mère sur le sol, mon père et ma sœur en sang. Je ne sais pas, je ne sais même pas. L'une des passagères donc d'un des trains, toujours sous le choc. Alors de nombreux secouristes et des hélicoptères sont toujours sur les lieux pour désincarcérer les victimes et soigner les blessés. Françoise Nice, que sait-on à l'heure qu'il est ? On ne sait rien encore de la cause de l'accident. Le maire de Corato, la petite ville près de laquelle s'est produit l'accident, évoque peut-être une défaillance humaine. La collision frontale s'est produite vers 11h30 sur un tronçon en ligne droite. Les images aériennes sont très impressionnantes. Il n'en reste que des amas de ferraille des premières voitures. Les services de secours se sont précipités. Les blessés ont été évacués vers les hôpitaux avoisinants. Un appel au don de sang a été lancé. Le bilan est forcément provisoire parce qu'on ne connaît pas le nombre exact de passagers à bord des deux trains. Ce tronçon ferroviaire au nord de Bari est exploité par Ferrotram Viaria, une petite compagnie privée qui possède une vingtaine de trains et une trentaine de bus. Le Premier ministre Matteo Renzi va se rendre ce soir sur les lieux. Il a promis que tout serait fait pour identifier les responsabilités. Les explications de Françoise Nice. Les affaires étrangères ne savent pas encore, en tout cas, s'il y a des Belges parmi les victimes. Elles restent en contact, bien sûr, avec les autorités italiennes. Les militaires ont un nouveau chef, le général Compernol. Il prend ses fonctions demain et il se sent fier et confiant. 59 ans, néerlandophone, il connaît bien l'armée puisqu'il était déjà le chef de la division opération et entraînement. Son choix satisfait aussi bien les syndicats militaires que les politiques. Un nouveau numéro 1 donc pour l'armée qui sait qu'il aura des défis à le relever, notamment de nombreux départs de militaires à la retraite. Ils sont tout mignons, tout doux, ils s'appellent tous Carlo et n'ont aucune chance de survie, il s'agit de chatons. Oui, vous l'avez peut-être vu ce matin dans dans la presse, c'est la campagne lancée aujourd'hui par Gaïa, l'association de défense des animaux. Elle interpelle Carlo Di Antonio, le ministre wallon du bien-être animal. Selon Gaïa, il ne fait rien pour la stérilisation obligatoire de tous les chats. Rudy Hermans, vous vous êtes rendu dans un refuge pour animaux et apparemment, cette disposition elle est pourtant prévue à l'agenda. En fait, face à la prolifération des chats errants et à l'afflux dans les refuges, le gouvernement fédéral d'abord, le gouvernement wallon ensuite, ont serré la vis. Depuis 2012, les refuges identifient les chats à l'aide d'une puce électronique et procèdent à leur castration. Et depuis 2014, les chatons de particuliers doivent aussi obligatoirement être stérilisés avant d'être vendus ou donnés. Ça a permis d'améliorer la situation, mais pas suffisamment. C'est ce que le Conseil wallon du bien-être animal a fait savoir au gouvernement régional. Sa présidente Claire Diedrich. Il est nécessaire de pouvoir réguler la production des chatons parce qu'un grand nombre de chatons se retrouvent abandonnés dans les refuges. Donc oui, il faut prendre des mesures. C'est également la position des acteurs de terrain comme la Croix-Bleue, Guy Adam, le président. Depuis quelques années, les mesures qui ont été prises ont certains effets. Ils sont encore insuffisants. Il faut poursuivre dans cette voie. Et l'étape suivante, ce sera donc l'obligation d'identifier, mais surtout de stériliser tous les chatons, même ceux qu'une famille souhaite garder. Ce que réclame Gaïa, donc. Des dérogations seront prévues pour les éleveurs, mais également pour les ménages qui souhaitent que leur chat ait au moins une portée, par exemple. Des détails qui seront prévus dans un texte sur lequel travaille déjà le ministre wallon du bien-être animal, Carlo Di Antonio, entré en application prévue en 2017. Et l'heure des résultats pour les étudiants qui ont terminé leur première année de médecine ou de dentisterie sont tombés. Des étudiants donc qui ont passé le nouveau concours de fin de première année. Un filtre pour limiter le nombre de futurs médecins ou dentistes. Un peu plus de 1000 étudiants en médecine ont présenté cette épreuve. 530 étudiants ne sont pas parvenus à se classer en ordre utile. Mais tout espoir n'est pas encore perdu pour eux puisqu'ils pourraient s'en sortir en fonction des résultats de la deuxième session en septembre. Attraper les tous, les Pokémon et les fans du jeu vont pouvoir le faire maintenant avec leur smartphone. Oui, c'est l'application qui fait le buzz en ce moment, Pokémon Go. En quelques jours, elle compte déjà plus d'utilisateurs réguliers que Twitter. Le principe, donc, c'est un jeu vidéo sur son smartphone. Et comme le jeu et le dessin animé né il y a 20 ans, il faut capturer ces petites créatures. Mais la petite nouveauté, c'est que maintenant, il faut attraper les Pokémon dans le monde réel, dans la rue, au resto ou encore peut-être même au boulot. C'est ce qu'on appelle la réalité augmentée. Et à l'avenir, eh bien, elle ne va pas s'appliquer qu'aux jeux vidéo, comme nous l'explique Charlie Dutat, spécialiste en nouvelles technologies. La réalité augmentée, la réalité virtuelle, c'est vraiment l'avenir. Je pense au casque de Microsoft qui s'appelle HoloLens. C'est un casque qu'on va pouvoir porter sur sa tête et qui va rajouter une couche virtuelle sur le monde réel. Par exemple, vous êtes dans votre salon, il y a un mur blanc, vous allez pouvoir placer des meubles, placer une télévision, enfin des écrans où vous voulez, des objets en 3D. Imaginez par exemple un meuble d'un célèbre magasin de meubles, vous allez pouvoir le mettre en contexte chez vous, voir si ça passe, si les dimensions sont bonnes, etc. Et cette technologie-là, sur ce type de casque, va aussi se démocratiser sur les smartphones, puisque Google va lancer un projet qui s'appelle Projet Tango, qui va permettre, via une caméra supplémentaire sur votre smartphone, de scanner l'environnement autour de vous et d'ajouter des objets, des créatures, n'importe quoi. Charlie Dutat, un spécialiste en nouvelles technologies, au micro de Justine Hermans. Alors Lucas, vous, cette application Pokémon Go, Pokémon. Est-ce que ça... Pokémon, c'est pas facile à dire. Est-ce qu'elle vous tente? À fond. Ah oui, moi je vais la télécharger. Mais vous avez connu, vous, les Pokémon? Mais je suis un vous peu vous êtes vieille. Trop vieille. Ouais, mais merci. Et bim, ça mais fait non, plaisir pour terminer la journée. C'était il y a 20 ans. Mais ça ne se voit pas, je vous ai posé la question, hein, parce que je ne le voyais pas. Oui, j'étais pas sûr. C'est ça. J'étais pas sûr. Il fait chaud dans ce studio. On part sur les routes. Avec vous, Pierre Colarbovi. Oui, avec un petit problème à Bruxelles. Apparemment, un objet encombrant volumineux, c'est en réalité une grue, un camion qui a perdu le bras de sa grue. C'est à Bruxelles, boulevard Louis Schmitt. Le passage est donc difficile, ce qui engendre de gros embarras de circulation en direction de la Cambre. Et puis, en plus des ralentissements habituels dans les tunnels, évidemment, vous avez aussi des travaux rue Béliard qui causent pas mal de problèmes. Deux bandes sont neutralisées, il y a des fils sur les axes avoisinants. Enfin, c'est un peu le chaos du côté de la rue Béliard. Concernant la ligne de Bruxelles, 20 minutes supplémentaires pour l'extérieur. Grand Bigard au titre, plus 16 minutes pour l'intérieur Zaventem Carrefour Léonard, plus 14 minutes pour l'intérieur Grand Bigard Zaventem et plus 9 minutes pour l'extérieur au titre Carrefour Léonard. On annonce une petite tendance à la baisse, ce qui est pas mal évidemment. Et puis toujours des ralentissements sur le 40 Bruxelles-Ostende dans le chantier mis en place il y a deux jours entre Wetteren et Zweinard. Vers Ostende, vous perdez toujours une trentaine de minutes à partir d'Herpemer. Vers Bruxelles, vous êtes également ralenti et vous perdez 25 minutes. Une répercussion sur la N9 qui est une nationale qui est parallèle à l'autoroute. Route, donc apparemment une itinéraire itinéraire de délestage, mais bien encombré aussi, en tout cas vers Bruxelles. Vous perdez 23 minutes. Ralentissement également sur le 17 Courtrai-Lille, à hauteur de Reckem. Il y a des files entre Albeek et Reckem. Vous perdez un petit quart d'heure en direction de la France. Etias est le meilleur assurance RC Auto par Decavi. Rendez-vous sur etias.be. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Solde en électroménager chez Kitchen Market. Lave-vaisselle, sèche-linge, frigo pour moins de 350 euros. Kitchen Market. Des idées plein la cuisine. Vivacité, le journal des sports. Bonjour tout le monde, quel avenir pour le sélectionneur des Diables Rouges, Marc Wijnmots? La réponse va peut-être tomber cette semaine. En tout cas, un groupe formé par 5 hommes forts de l'Union Belge s'est réuni aujourd'hui. Rien n'a encore filtré de cette discussion. Tout ce que l'on sait, c'est que, mandaté par le président François de Kersmaeker, Bart Verhaag et Mehdi Bayat doivent rencontrer Marc Wijnmots pour trancher. Et même si l'Euro a été une déception, que beaucoup veulent voir quelqu'un d'autre à la tête des Diables Rouges, cette réunion entre l'Union Belge et Marc Wijnmots est très importante et c'est en tout cas l'avis de notre consultant Alexandre Teclac. Avant tout, ce qui est important, c'est d'avoir une rencontre avec le principal intéressé, c'est-à-dire avec Marc Wijnmots. Parce que, voilà, quand vous n'avez pas vécu en interne une compétition comme celle-là, et que finalement, le seul regard que vous ayez, ce sont parfois des rumeurs, ou alors des retours de la presse, ce genre de choses, c'est très difficile quand même d'évaluer une situation. Il y a un constat, effectivement, c'est que on s'attendait tous à aller plus loin dans cette compétition. À partir de là, je pense qu'il est bon de savoir pourquoi on n'a pas réussi à le faire, sans oublier, et ça je crois que c'est le plus important pour toutes les parties, c'est l'impératif financier. Alexandre Teclac, ex-joueur et consultant pour l'RTBF, qui parle de l'impératif financier, c'est que l'enjeu est grand. Licencier Marc Wijnmots coûterait à l'Union Belge 1 million d'euros. Vu l'état des finances de l'Union Belge, la décision ne sera pas prise à la légère. Du côté allemand, en tout cas, malgré l'élimination en demi-finale, le sélectionneur Joachim Löw a été maintenu dans ses fonctions. Il aura la lourde mission de défendre le titre de champion du monde en Russie. Direction à présent les routes du Tour de France. La 10e étape a été très très animée. On a bien cru un moment que Greg Van Avermaet allait de nouveau s'imposer. Mais Samuel Grulois, c'est bien l'Australien Michael Matthews qui a levé les bras à Revel. Oui, bonsoir Arnaud, ça devait forcément arriver un jour. Le succès d'étape de Michael Matthews sur le Tour de France faisait partie de la logique des choses. À 25 ans, après avoir connu ce bonheur sur les routes du Tour d'Espagne et du Tour d'Italie, l'homme de Canberra a complété de jolie manière sa carte de visite à Revel en dominant au sprint ses 5 derniers compagnons d'échappée, dans l'ordre Sagan, Boa Sonnagun, notre compatriote Van Avermaet, donc Dumoulin et Impey, équipier sacrifié de Matthews chez Orica. Il y a un an, l'Australien avait chuté en début de Tour de France et avait galéré jusque Paris. 2015 est oublié. 2016 lui sourit enfin, même si ce n'était pas gagné d'avance, vu le niveau très très relevé de cette échappée. Jérôme Elguers en a parlé avec le directeur sportif d'Orica Bike Exchange, Lorenzo Lapage. Non, c'est pas gagné d'avance, mais on sait quand même, on a déjà vu dans le passé que dans l'esprit, normalement, il est quand même un peu plus vite que le mec là. Mais il faut toujours gagner, il faut toujours faire le sprint et la manière. Aussi après 10 jours du Tour de France, on ne sait jamais comment il réagit les gens. Mais on l'a joué, on a gagné. Oui. Quand on voit la malchance qu'il a eue l'année dernière et le courage qu'il a eu à continuer, finalement c'est une juste récompense ce qui arrive cette année. Oui, c'est un garçon qui a un talent incroyable, ça on a déjà vu. Il a eu beaucoup de malchance l'année passée avec la chute les premiers jours. Comme toute l'équipe, on a perdu 3-4 coureurs direct après 3 jours. Michael Matthews, c'est quelqu'un qui va gagner encore des grandes courses, qui a déjà gagné des grandes courses, mais qui va encore gagner des courses plus grandes qu'il a déjà fait. Matthews, vice-champion du monde l'an dernier, on le surnomme dans le peloton Bling Bling, car il adore les belles voitures, les jolies filles, les bijoux de valeur, mais ce côté peut-être un peu superficiel n'enlève rien évidemment à son immense talent. C'est l'un des meilleurs sprinteurs punchers du peloton actuel, et notre consultant Cyril Saugrin, qui est avec nous, ne va pas me démentir. Ah non, c'est vrai qu'on a face à nous là un puncher, sprinter. Pour moi, c'est pas le sprinter au sens pur du sprinter, mais c'est quelqu'un qui va pouvoir aller tirer son épingle du jeu dans un sprint massif. Mais dès que la route va être un petit peu plus compliquée, l'arrivée un peu plus relevée, ou qu'on aura par un parcours plus accidenté, on se sera libéré de quelques sprinters, et bien ce sera l'homme le plus dangereux. Donc oui, c'est un homme qui vient de gagner une très grande course, il a déjà gagné de belles courses, et on va le retrouver. On retrouvera en tous les cas son nom au sommet des plus grandes courses du parcours. Michael Matthews qui rejoindra sans doute l'équipe Sunweb Giant la saison prochaine, ce qui libérerait par ailleurs, là on ouvre une parenthèse, une place pour Philippe Gilbert chez Orica, affaire à suivre. On vous l'avoue, on a cru à un succès belge, mais ça ne marche pas à tous les coups. Greg Van Avermaet a lancé le sprint de loin, il n'avait pas vraiment le choix. Il aurait voulu attaquer dans la côte de Saint-Ferréol, mais c'était impossible pour lui. Sagan est trop fort, je pense, aujourd'hui. Et... ouais, il doit réagir à toutes les attaques. Et... ouais. Je veux faire un sprint long. Mathieu, j'ai fait pas vraiment beaucoup de travail et toutes les journées. Ouais. Lui, il est plus vite dans un sprint comme ça. Pas de regrets? Non, ça va. Quand il n'y a pas de jambes pour attaquer dans la côte, tu fais autre chose. Et ouais, c'est comme ça. Quand tu es avec un sprint comme ça, avec tous de bons coureurs, ça n'était pas facile pour gagner. J'étais déjà deux fois dans l'échappée. Et la troisième fois, ouais, ça a été pas facile. Cyril, il est increvable sur ce Tour de France, Greg Van Avermaet. Je pense qu'il est increvable, il est surtout intelligent, il pointe les bonnes étapes, il sait à quel moment il doit aller devant pour soit être capable de transformer, ce qu'il a déjà su faire une première fois avec un maillot jaune à l'appui. Et aujourd'hui, il avait bien pointé qu'il y avait une possibilité d'aller dans une échappée. Il savait que ça allait être compliqué parce qu'il y a 24 km d'ascension pour passer le port d'Envalira. Mais je pense que voilà, les jambes sont là et il court intelligemment, il récupère quand il faut le faire, il fait son travail quand on lui demande. Et puis une fois de plus, il est dans une belle échappée, une échappée qu'on dira quand même royale. Il y avait 15 noms dans cette échappée qui était une échappée de très haute volée. Du monde dans le final, il a les jambes, mais c'est vrai qu'on avait un Peter Sagan qui était de haute volée aujourd'hui. On l'a vu dans l'ascension, il a tout contrôlé. Il a même à la fin imposé un rythme pour être sûr qu'il n'y ait pas d'autres attaques. Et puis, cette équipe Orica Bike & Change qui travaillait avec trois équipiers, deux dans le final. L'attaque aurait été presque se condamner puisqu'on sait très bien qu'on aurait lancé Daryl Impey à sa chasse. Donc je pense que voilà, jouer le sprint, c'était certainement la meilleure des chances. Il a essayé, il fait quatrième, c'est déjà une belle place. Le peloton a eu du mal à s'organiser derrière cette grosse échappée. Après une vaine poursuite, on s'est relevé pour terminer à 9 minutes 39 de Matthews. Les adversaires de Froome auraient pu jouer avec le vent de côté, du côté justement de Mirepoix. Il n'en fut rien et le classement général reste inchangé avant une 11e étape à toute plate demain. Les sprinteurs piégés aujourd'hui auront à cœur, Arnaud, de s'illustrer entre Carcassonne et Montpellier. Merci beaucoup Samuel Grulois en direct du Tour de France. Un tour fatal à Alberto Contador, ça vous le savez, victime de plusieurs chutes, l'Espagnol a abandonné. Il en a en plus annoncé aujourd'hui qu'il serait out 4 semaines. Cela veut dire que sa participation aux Jeux Olympiques est plus que compromise. Et les Belges, là-dedans, vous me direz, ils seront au moins 105 à Rio. La liste quasi définitive a été présentée aujourd'hui par le Comité Olympique Interfédéral Belge. Une liste quasi définitive, hein, car un ou deux autres sportifs pourraient encore s'ajouter en athlétisme. Mais cela veut dire, Christine Anquet, qu'à l'heure où on se parle, 105 athlètes sont sûrs de vivre le rêve olympique. 105 athlètes dans 18 sports, dont un sport collectif, le hockey masculin. Eddy De Smet, le chef de mission belge pour Rio 2016. On est fiers qu'on a le hockey. On aurait été beaucoup plus fiers si on pouvait avoir sélectionné une deuxième équipe de hockey, l'équipe féminine, et voir une équipe en volleyball. Elles ont été tout près, mais je crois qu'effectivement, il faut continuer l'effort pour le sport équipe, parce que c'est un signal important pour un pays, je crois. La Belgique espère ramener de 3 à 5 médailles, mais en règle générale, à tous les sportifs, à toutes les sportives de la délégation, le CIOIB demande la même chose, réussir la compétition de sa vie. Si quelqu'un réalise sa meilleure performance jamais faite, son personal best au moment des Jeux, c'est fantastique, tu ne sais pas faire mieux que ça. Ça dépend aussi un peu de la concurrence, en quoi ça ressort. Et donc je dirais, pour certains qui réalisent leur meilleure performance, ça voudra dire une médaille. Pour d'autres, ça sera un top 8, et pour d'autres, ça peut être un top 16. La délégation belge au sens large ne comptera pas 105 personnes, mais beaucoup plus, entre 220 et 250 personnes. Philippe Van Der Putten, le directeur général du CIOIB. À côté des sportifs, il y a tout l'encadrement. Il y a l'encadrement qui est strictement lié au sport. N'oublions pas que pour le golf, il y a un caddie. En équitation, il y a un groom. Plus spécifiquement aussi, pour le vélo, les mécaniciens. Après, il y a les métiers plus classiques, bien entendu, le kiné, le coach. Tout un environnement qui gravite autour de nos sportifs, qui a pour but de les mettre dans les meilleures conditions possibles. Et il y a tout un soutien aussi administratif, puisqu'il y a énormément d'aspects logistiques à régler, les lieux d'entraînement, les bus qui qui doivent partir à temps pour arriver à temps, bien sûr, avant sa compétition. Et les premiers athlètes belges partiront à Rio le 18 juillet. On ne connaît pas encore l'identité des 5 cyclistes pour l'épreuve sur route qui représenteront la Belgique. On le saura au plus tard le 22 juillet. Concernant Usain Bolt, il pourra bien défendre ses titres olympiques sur 100 mètres, 200 mètres et 4 fois 100 mètres. Intrinsèquement, c'est évident, Bolt a sa place à Rio, mais il n'a pas disputé les sélections jamaïcaines sur 200 mètres en raison d'une blessure. Ça pouvait compromettre sa participation au jeu, mais grâce à une exception médicale, Usain Bolt fait bien partie de la sélection jamaïcaine. Et puis encore un petit mot de cyclisme au Tour d'Autriche. C'est l'Italien Davide Martinelli qui a remporté la première étape. Il en profite évidemment pour prendre la tête du classement général. Et puis Lucas, petite question, oui. Est-ce que vous aimez le foot ? Ah oui, maintenant oui. Ah oui, pourquoi maintenant ? Parce qu'avant je regardais pas, mais maintenant on gagne un peu de temps en temps, donc je regarde. Mais est-ce que vous aimez au point de mettre 355 000 euros pour un maillot ? Non, j'ai mis un drapeau à ma fenêtre, mais c'est tout. Hein. Eh bien personne, figurez-vous, mais personne, en fait, personne n'a fait ça en fait, n'est prêt à mettre un truc pareil, en tout cas un montant pareil, 355 000 euros. En fait, je vous en parle parce que ce maillot a été mis aux enchères. C'est celui du mythique numéro 10 de l'Angleterre, celui qui a offert la Coupe du Monde 66 à l'Angleterre. Il s'appelle Geoff Hurst. Eh bien, ce maillot a été mis aux enchères à 355 000 euros et personne n'a mis le montant minimum pour lancer cette enchère. Donc, il faut quoi avec, alors. Donc finalement, le détenteur de ce maillot a déjà surenchéri. Il avait mis plus que 100 000 euros. Il a essayé de le revendre, mais visiblement, c'est chou blanc pour ce monsieur. 355 000 euros, c'est quand même beaucoup. Hein. Tu te réessayes qu'une chaussette ? Oui. Bon, elle est peut-être mieux. Oui, mais ça vaut quand même moins que ce maillot mythique. Hein. Ah, ce joueur a quand même mis un triplé en finale de la Coupe du Monde 66. Oui. Bon, donc, est-ce que ça justifie une somme pareille ? Oui, je pense pas. À voir. Arnaud, vous suciez votre pouce quand vous étiez petit ? Rien à voir ? Ah non, pas du tout. Non, pas bon. Du tout, non. Bah, j'avais pas ça. Vous auriez dû, parce que visiblement, ça peut être une bonne habitude. On en reparle après ceci. Vivacité, le sport en toute complicité avec l'ADEPS. Jusqu'à 19h, 5 à 7. Ah bah oui, le nombre de fois qu'on l'a pas dit aux enfants, ne suce pas ton pouce, arrête aussi de te ronger les ongles. Ah bah finalement, fallait pas dire qu'on ne pouvait pas le faire, parce que, eh bien, ces mauvaises habitudes pourraient avoir des bons côtés, surtout au niveau de ce qui est anti-allergique. Il y a une étude qui a été publiée ce lundi, qui en a parlé, qui a démontré que ces petites manies, ces petites mauvaises habitudes interdites, eh bien, pouvaient finalement avoir des bons côtés. On va développer ça avec un pédiatre d'ici quelques instants, parce que c'est relativement étonnant. Et puis on va parler les sites internet aussi, d'ailleurs un site qui va révolutionner le monde des musées, ça s'appelle Museo Zoom. Ça va être lancé dans les prochains jours. Alors qu'est-ce que c'est ? Eh bien ça vous permet de visiter plus de 70 musées wallons de façon ludique, de façon différente. Vous pourrez même faire un petit passage par la boutique du souvenir. On aura le concepteur, ou non, plutôt chargé de communication de ce site internet qui va venir vous détailler tout ça. Côté cadeau, j'en ai encore plein, hein. Je suis comme le Père Noël aujourd'hui. Les places pour Pascal Obispo, ça je vous l'ai déjà offerte, on va faire le tirage au sort dans la suite. On vous offre également des entrées pour un spectacle qui va avoir lieu à l'abbaye de Villers-la-Ville le 21 juillet prochain. C'est le spectacle Amadeus sur la vie de Mozart. On va en reparler dans quelques secondes et encore un petit peu plus tard dans l'émission. Là, vous allez pouvoir vous évader dans un autre monde puisque c'est un séjour au Futuroscope de Poitiers que vous allez pouvoir remporter. Mais d'abord, on voit toutes ces petites manies avec les enfants, hein, sucer son pouce, se ronger les ongles, des mauvaises habitudes. On leur dit on ne peut pas, ils le font quand même. Et bah finalement, ils n'ont peut-être pas tort. C'est une étude qui a révélé ça. Et pour en parler, nous avons le docteur Pierre Defresne qui est avec nous. Vous êtes pédiatre, bonjour. Oui, bonjour. Bonsoir, plutôt, 18h21, oui. C'est plutôt le soir, on est un petit peu décalé. Donc oui, hein, ça arrive à tous les enfants de sucer son pouce ou de se ronger les ongles. Alors pourquoi c'est pas si mauvais que ça en fait ? Bien, ça paraît un peu étonnant, effectivement, oui. Ce lien qui était montré dans cette étude entre ces petites habitudes qu'ont certains enfants ou même certains adultes, parfois de sucer leur pouce ou de se ronger les ongles, et le risque ou la prédisposition à développer des allergies. En fait, ces petites habitudes, ces petits tics, parfois sont des manies qu'on fait un peu pour se faire du bien ou dans certains cas pour se défendre un peu contre une certaine anxiété. Et ça n'a évidemment rien à voir avec les allergies. En fait, ce que cette étude montre, c'est qu'elle elle confirme ce qu'on savait déjà. C'est un peu l'hypothèse hygiéniste du développement de plus en plus important des allergies dans nos sociétés. Le fait qu'on ait des sociétés qui soient de plus en plus protégées contre la saleté, contre les microbes, ça prédispose un peu contre les allergies. C'est pas le seul facteur de risque, bien sûr. Et qu'à l'inverse, le fait de naître et de vivre quand on est enfant à la campagne, dans une ferme et ainsi de suite, ça protégerait plutôt contre les allergies, probablement par une exposition un peu précoce à toute une série d'allergènes ou de microbes qui permettent aux enfants de développer. Ça rendrait plus fort. Voilà, ça rendrait plus fort pour lutter contre tout ça. Mais on va pas le recommander non plus. On va pas le recommander aux enfants. Fais-le, non. De sucer leur... Alors, vas-y, ronge-toi les ongles. Je pense pas. On pourrait peut-être traiter différemment ces deux aspects. C'est vrai que l'étude parle de se sucer le pouce et de se ronger les ongles, probablement parce que par ce contact entre la bouche et la peau, et peut-être les petites poussières qui se trouvent sous les ongles, l'organisme ingère une série de substances. Mais je dirais que sucer son pouce, ça peut faire partie des habitudes qui rassurent, qui aident à s'endormir les jeunes enfants. Le fait de se ronger les ongles, souvent, ça survient dans des contextes un petit peu plus anxieux. Alors, on ne le souhaite pas probablement, mais quand ça survient de façon un peu importante, il faut peut-être qu'on s'inquiète de savoir ce qui se passe là-dessous. Pourquoi ça survient, pourquoi ça augmente, et ainsi de suite. Mais ce n'est sûrement pas un conseil qu'il faut donner aux enfants, non, probablement pas. Évidemment. Ce que montre l'étude, c'est une diminution du risque statistique de développer une prédisposition aux allergies. Ça ne veut pas dire que ça supprime complètement les allergies. Hein. Je répète qu'il y a d'autres facteurs qui prédisposent aux allergies. Bien sûr, mais on voulait éclaircir ce point avec cette étude quand même qui nous paraissait relativement étonnante. Donc voilà, bon, en effet, ça peut favoriser la défense par rapport à ces allergies, mais il ne faut pas le faire non plus tout le temps parce que ça peut entraîner d'autres choses. Merci docteur Pierre Defresne d'avoir été avec nous dans le 5 à 7 de Vivacité. 5 à 7. Bon, comme promis, on vous emmène vite fait à Villers-la-Ville. Il y a des entrées pour le spectacle Amadeus de Mozart. Enfin, la vie de Mozart va vous être expliquée avec vraiment une mise en scène exceptionnelle. Ce sera le 21 juillet prochain. Allez-y, vous gagnez deux places dès maintenant. Vous les envoyez par SMS. Un spectacle flamboyant avec une grande équipe, une belle mise en scène. Vous envoyez tout de suite le code Mozart avec vos coordonnées complètes au 6003 pour 75 centimes par SMS envoyé au reçu, et j'espère pouvoir vous rappeler dans cette émission pour vous dire que vous avez gagné. Il est temps de passer à table avec Andy Scotter. Dico Food, Dico Food, Dico Food, Dico Food. Le Dico Food du 5 à 7. Bonsoir Cyril, bonsoir à tous. Le Dico Food va s'arrêter ce soir à la lettre M. On va travailler la mûre. Qui dit été dit fruits rouges, bonheur de notre vie, bonheur plein d'antioxydants, plein de bonnes choses, plein de vitamine C. Et on peut tout à fait travailler les fruits rouges version salée. On n'y pense pas forcément, on se dit plutôt mûre, groseille, selon la saison, l'avancée de la saison, cerise, etc., fraises et compagnie. On a toujours tendance à penser glace ou gâteau, et en fait c'est une erreur, ou grignotage tel quel. Mais on peut vraiment aller vers des choses salées. Et ici ce que je vais vous proposer, c'est une salade d'épinards. L'épinard fonctionne si bien avec les fruits rouges. Fraises, myrtilles, mûres, vous ne pouvez pas vous tromper. C'est une association de rêve, c'est un vrai mariage d'amour. Épinards, mûres, avec un peu de feta. Une salade qui se respecte doit avoir un petit peu de fromage et un petit peu de crack. Il faut les deux. La feta, ça va être votre fromage. Le crack, ça va être une petite pistache, juste concassée. Et on va se faire une vinaigrette un peu crémeuse aux graines de pavot. Ça ne demande rien. Si vous cherchez une idée de salade un peu originale, c'est votre salade. Si vous avez envie de vous faire un truc qui change un peu dans la semaine, pareil, c'est pour vous. Si vous avez envie ou vous devez amener une petite salade chez des amis qui font un barbecue, c'est le bon plan. Donc vraiment, allez vers ça, vous ne pouvez pas vous tromper. Pousse d'épinards, 300 grammes. Il vous faut des mûres, bien sûr. Prenez un petit ravier de 200. De la feta, prenez un bloc de 200, qualitative, une belle feta, un truc grec, un truc qui fonctionne. Des oignons rouges, alors l'oignon rouge, ne pensez pas que c'est facultatif, ne pensez pas à la laine du lendemain. Tant pis ! L'idée, c'est que l'oignon rouge a vraiment toute sa place ici, c'est nécessaire pour qu'il y ait un équilibre et que ça désucre un peu la salade. Donc c'est vraiment ça qu'on veut. Et pour votre vinaigrette crémeuse, on va se la faire au yaourt. Un yaourt nature entier, des graines de pavot, vinaigre, huile d'olive, sel, poivre, on est bon. Vous faites votre vinaigrette en fouettant d'abord l'huile d'olive. C'est important parce que ça va l'émulsionner. Ensuite, vous ajoutez votre vinaigre, le yaourt, graines de pavot, sel, poivre, vous mettez de côté. Vous émincez votre oignon rouge, vous émiettez votre feta, vous concassez vos pistaches, vous versez la vinaigrette sur vos épinards et sur les oignons. Ça va déjà un peu les adoucir, le côté yaourt de la vinaigrette. vinaigrette, vous mélangez intimement et vous dressez vos épinards oignons sur assiette avant d'ajouter la feta, les pistaches, puis les mûres. Et vous servez avec un beau morceau de pain. Et j'ai faim de ça maintenant. Dans un monde qui change, il est temps d'investir durablement. Chacun peut faire beaucoup pour l'environnement, comme trier ses déchets ou recycler. Mais savez-vous que chez BNP Paribas Fortis Private Banking, vous pouvez aussi investir dans des entreprises qui s'engagent de façon durable. Par exemple, dans des parcs éoliens qui produisent de l'énergie verte. De plus, un investissement écologique peut se montrer aussi rentable qu'un investissement traditionnel. Contactez votre private banker chez BNP Paribas Fortis ou surfez sur investirpourdemain.be. BNP Paribas Fortis, la banque d'un monde qui change. Dis, la Suzy de la boulangerie a encore fait très fort. Non. Tu te souviens, elle avait réservé un vol sur thomascookairlines.be. Oui, alors? Alors, elle est rentrée avec un maître nageur espagnol. Oh, c'est pas vrai! Qu'est-ce que tu fais? Ben, je réserve aussi un vol sur thomascookairlines.be, tiens. Réservez votre vol à partir de 49,99€ sur thomascookairlines.be et envolez-vous au soleil avec nous. Retrouvez votre météo au 0900 277 70. 50 cents l'appel. Votre partenaire pour l'été. Solaire mini format premier soin. Tout est chez Dee. Dee, faites-vous plaisir. Méga solde chez Plumard. Jusqu'à moins 65% sur des centaines de matelas, sommiers, lits, box springs, linge de lit. Plumard, bien dormir. Il y a toujours un Plumard près de chez vous. À Rocourte et Verviers ou sur plume-art.be. Plumard. Offrez-vous la vie de château. Visitez le château de Modave. 25 salles à découvrir avec audioguide. Assistez à la pièce de théâtre Petit crime conjugaux d'Éric Emmanuel Schmitt avec Manuela Hamoun et Oscar Dubru. Et admirez l'exposition de sculptures contemporaines dans les jardins. Le château de Modave, patrimoine majeur de Wallonie à 10 minutes de Huy. Modave-castle.be. Chez JC, tout ce que vous aimez, JC Meubles. JC Meubles, 4000 m² d'exposition. Un choix énorme en salon, salle à manger, studio jeune, chambre à coucher et literie dans les plus grandes marques. Venez aussi découvrir notre superbe département des meubles Grange. JC Meubles. JC Meubles, chaussée de Tongres à Raucourt. Vous écoutez Vivacité, il est 18h30, voici les titres de l'actualité aux côtés de David Riffon, bonsoir. Bonsoir Lucas, bonsoir à tous. En Italie, le bilan toujours provisoire suite à cette collision frontale entre deux trains. Le bilan est de 20 morts et 35 blessés au moins, mais les services de secours s'activent toujours pour retrouver d'autres éventuelles victimes dans les décombres. Selon les affaires étrangères, pas d'informations sur de possibles victimes belges pour l'instant. La collision entre deux trains régionaux s'est produite ce matin près de Bari dans les Pouilles. Pour une raison encore inconnue, deux trains se sont retrouvés sur la même voie. Le crash était inévitable. Chez nous, changement de visage au sommet de la défense. Ce mardi, le général Van Kallenberg a presté son dernier jour de travail et dès demain, le lieutenant-général Marc Compernol lui succédera. Les résultats du TOS, le test d'orientation pour les étudiants en médecine et en dentisterie, les résultats sont tombés. Sur les 1250 candidats qui l'ont présenté en fin de première bac, 530 ont échoué. Ils passeront par la deuxième session en septembre. Et puis sport, Tour de France, la 10e étape a été remportée aujourd'hui par l'Australien Michael Matthews de l'équipe Orica Greenedge. Il s'est imposé au sprint devant Peter Sagan et Edvald Boasson-Hagen. 4e place pour le Belge Greg Van Avermaet qui faisait partie de la bonne échappée de 6 coureurs dans le final. Chris Froome conserve le maillot jaune de leader. Merci David, développement de ces titres dans le journal de 19h. Du côté de la météo, Dominique, il y a de bonnes nouvelles mais à l'horizon. Oui, effectivement, fin de semaine, ça devrait s'améliorer. Sinon, pour demain, on aura un petit peu le même topo qu'aujourd'hui. Alternance d'éclaircies et de passages nuageux le matin et l'après-midi, des averses et localement un coup de tonnerre. Température toujours dans la même fourchette, 16 à 19 degrés. Jeudi, les averses devraient s'espacer, on devrait gagner un petit degré. Et puis, on parle d'un temps sec à partir de vendredi. Ceci dit, la nuit prochaine, les averses résiduelles vont stagner dans le sud-est du pays et ailleurs, on reviendra déjà à un temps sec. Minima 9 à 13 degrés. Allez, un petit peu de patience alors. Et enfin, passons à vos conditions de circulation avec vous, Pierre Collard-Bovy. Oui, il y avait pas mal de petits soucis à Bruxelles notamment, puisqu'un camion a eu la bonne idée de perdre le bras de sa grue au boulevard Louis Schmitt, donc le passage est difficile et il y a pas mal d'embarras de circulation en direction de la Cambre. Ralentissement également à Bruxelles, toujours rue Béliard, puisqu'il y a des travaux qui sont entrepris là pour l'instant entre l'avenue des Arts et la chaussée des Terbeil, donc deux bandes sont neutralisées, il y a des files sur les axes avoisinants, il y a des répercussions sur la petite ceinture. Bon, on résume ça, gros problème, gros embarras de circulation autour du Palais Royal, et puis vous ralentissez dans la plupart des tunnels de la capitale avec un véhicule en panne dans le tunnel Rogier, entre les tunnels Rogier et Botanique, entre les tunnels Rogier et Botanique, pardon, la bande droite est neutralisée en direction de la gare du Midi. Sur le ring de Bruxelles, eh bien, tendance à la baisse, 18 minutes encore supplémentaires pour l'extérieur Grand Bigard au titre, plus 13 minutes pour l'intérieur 20e Carrefour Léonard. Pour les autres tronçons, on est en dessous des 10 minutes, donc ça commence à s'arranger sérieusement. Accident sur le camp Bruxelles-Liège, hauteur des Verts, deux bandes neutralisées, la circulation est ralentie en direction de Liège. Et puis les travaux toujours sur le 40 Bruxelles-Ostende entre Wetteren et Weiswainard, c'est la zone de chantier, ça diminue un petit peu, vous ne perdez plus que 22 minutes en direction d'Ostende, 15 minutes en direction de Bruxelles, et bien sur la nationale 9 venant de Bruxelles, vous perdez encore 27 minutes vers Gand. En revanche dans l'autre direction, vers Alost-Bruxelles, ça va pas mal mieux que tout à l'heure en tout cas. Et puis les ralentissements sur le 17 contre Lille, la Réquem, vous perdez encore quelques minutes en direction de la France. Etias est le meilleur assurance RC auto par Decavi. Rendez-vous sur etias.be. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. 5 à 7 avec Lucas Correa. Et on va s'intéresser au musée dans ce 5 à 7. Bah oui, un petit peu de culture quand même dans cette émission. Ça fait toujours du bien, surtout que là, ce sera plutôt virtuel et interactif avec un nouveau site internet qui va ouvrir et qui vous proposera eh bien, de faire la visite de plus de 70 musées wallons. On va voir tous les détails maintenant avec le chargé de communication musée et société en Wallonie. Il s'agit de Benoît Malengros. Bonjour Benoît. Bonjour Lucas. Bonsoir, je crois que je dois dire bonsoir à tout le monde à cette heure-ci, quoi. 18h30, c'est déjà la soirée. Alors ce site internet, je vais me connecter dessus à partir du 15, puisque c'est là qu'il sera ouvert, il s'appelle Musée au Zoom, et qu'est-ce que je vais y trouver ? Eh bien, je vais pouvoir découvrir les musées wallons sous un autre regard, puisque toute l'originalité vraiment de ce site internet va résider dans ces 6 portes d'entrée qui vont interpeller le visiteur à découvrir des activités originales et insolites à réaliser dans les musées. Saviez-vous, par exemple, Lucas, qu'on pouvait manger dans un musée ? On peut aussi y faire les boutiques, on peut même y organiser son événement, son mariage, pourquoi pas ? Une boîte de nuit, faire la fête, danser, non, ça pas encore quand même. Pourquoi pas, certains musées proposent déjà, notamment cette semaine pour des plus petits bouts dans le cadre du projet Marma & Co, il y a des soirées pyjama. Voilà, ouais, on fait tout, en effet, on fait tout. Et quoi, donc c'est là-dessus que vous allez axer cette visite interactive du musée? Voilà, l'idée c'est vraiment finalement d'offrir une mise en bouche au public, de faire rentrer le visiteur autrement dans un musée, lui donner l'envie d'aller faire son shopping dans un musée et puis peut-être d'aller plus loin, de découvrir le musée par la suite. Les musées souffrent parfois d'une image un peu négative et donc on veut vraiment balayer tous ces clichés en montrant que le musée est vivant. Et ça risque pas de vous apporter des problèmes avec les musées, parce que du coup il y a peut-être moins de gens qui vont aller les visiter sur place, en vrai je veux dire. Pas du tout, puisque les musées sont des acteurs vraiment actifs dans cette démarche. Les musées proposent déjà toute une série de choses originales, insolites. Vous en parliez tout à l'heure avec notamment ce spectacle Amadeus à Villers-la-Ville. Voilà, c'est quelque chose qu'on va pouvoir retrouver sur ce site internet museozoom.be. D'accord, alors on se concentre sur la Wallonie, vous n'avez pas encore attaqué Bruxelles ? On se concentre sur la Wallonie parce que c'est une initiative de la Fédération des musées wallons, musée et société en Wallonie, que je représente aujourd'hui. Et donc, voilà, on travaille uniquement avec des membres wallons. Alors ce qui est bien aussi, c'est que si on a des goûts bien particuliers, si on préfère telle ou telle chose, on va pouvoir rentrer comme une sorte de profil de visiteur avec ce qu'on aime bien et ce qui pourra nous être montré dans ce cas-là. C'est ça, tout à fait. Donc vraiment, on va pouvoir axer sa recherche sur son profil. Vous venez de le dire, je suis seul, je suis en famille, je suis un enseignant. J'aime certaines thématiques telles que l'art ou l'archéologie. Et puis j'ai envie de découvrir un musée dans une région particulière. Eh bien, ma recherche peut être axée uniquement là-dessus. Et donc j'aurai toute l'information qui correspond vraiment à mes critères d'affinité. Voilà, et vous avez évidemment tout un éventail de vidéos et d'animations autour de tout ça, je suppose. Bien sûr, l'idée vraiment derrière, c'est de montrer que les musées sont dynamiques, les musées sont vivants, les musées font plein de choses. Et ce site internet, finalement, va proposer au public de découvrir mille et une idées musées. Et ça s'adapte à toutes les plateformes, avec le smartphone, avec la tablette et tout ça? Le site internet s'adaptera à que ce soit les smartphones, les tablettes. Il y aura notamment la possibilité d'avoir la géolocalisation sur son smartphone. Voilà. Donc le site sera vraiment accessible sur les différentes plateformes. Ouais, ça donne envie. Ça donne, comme vous dites, un autre regard sur des musées qui peuvent être parfois un petit peu barbants. Hein. C'est ce qu'on dit des musées, alors qu'il y a des choses extraordinaires à l'intérieur. Et il y a d'autres choses, comme vous venez de l'expliquer. Donc ça s'appelle museozoom.be et c'est ouvert à partir du 15. Hein. Avant, c'est ça? Ça sera ouvert à partir du 15, tout à fait. Alors j'invite tous vos auditeurs qui sont des utilisateurs réguliers de Facebook à nous suivre le 15 à 11h, puisque le lancement se déroulera au musée de la photographie à Charleroi. Et on sera en live, notamment sur Facebook, pour montrer à nouveau cette image du musée vivant, du musée dynamique. Allez, soyez au rendez-vous et donc à vos clics. Merci Benoît Malengro, chargé de communication, musée et société en Wallonie, d'avoir été avec nous. 5 à 7. Il est temps de jouer maintenant. Je vous ai lancé plusieurs concours. On va les faire un par un, parce que là, on vous a offert vraiment beaucoup de cadeaux aujourd'hui. On va s'intéresser à celui de Pascal Obispo. Il sera en concert au Francofolie de Spa. Ce sera le 20 juillet prochain. On vous y invite tout simplement. Il y avait 2 places à gagner. Notre ordinateur a tiré, va tirer quelqu'un au sort. Ça va peut-être sonner chez vous d'ici quelques instants. C'est ce que je vous souhaite, parce qu'aller voir Pascal Obispo sur scène, eh bien, c'est vraiment très sympa. Oui, beaucoup de talent. Bonjour, comment vous appelez-vous? Oui, bonjour. Christian, vous savez qui est à l'autre bout du fil ou pas? Oui, c'est Lucas. De Vivacité, en effet, parce que ouais. Christian, vous avez gagné. Super, génial. On se met dans l'ambiance un peu, Christian. Ouais, super, génial. Ouais, je me réjouis, c'est super. Franchement, merci Vivacité, c'est chouette. Vous l'avez déjà vu, Pascal, ou pas? Ben non, justement, j'ai jamais eu l'occasion. J'aurais vraiment bien aimé le voir, parce que j'aime beaucoup, et ma femme aussi, donc franchement, c'est vraiment super. Vous êtes un fan de la première heure, vous vous souvenez de Tomber pour elle, justement, de Personne, de tout ouais, ce qu'il a fait après? Oui, bien sûr, ouais, Millésime, tout ça, ouais, c'est chouette, franchement, j'aime vraiment bien. Allez. Donc les 2 places, elles sont pour vous, mais restez là, parce qu'il y a une autre nouvelle, c'est que vendredi, parmi tous les gagnants de cette semaine qui ont gagné leur place pour Pascal Obispo, il y aura un Francopass à gagner. Et là, ce sera carrément tous les concerts des Francofolies de Spa auxquels vous allez pouvoir assister. Ce pass vous donnera l'accès général partout, donc restez proche de votre téléphone vendredi, ça va peut-être sonner chez vous, mon cher Christian. Eh ben c'est super, merci beaucoup Lucas, c'est Allez. Génial, franchement, merci à Vivacité. À vendredi, j'espère vous réentendre, j'espère vous réentendre. Ouais, et vous, soyez pas trop déçus hein, les autres, si vous n'avez pas gagné ce coup-ci pour Pascal Obispo, mais tentez votre chance pour notre ami Kenji. Kenji aussi sera en concert au Francofolie, mais là il y a des places à gagner sur le site internet de Vivacité, www.vivacité.be. Bon allez, on parle de musique, ça nous donne envie d'un petit pop story. Pop Story. Marc Toesca. En replongeant dans le grand, que dis-je, l'immense jukebox Pop Story, quelle ne fut pas notre stupeur de tomber sur quelques titres de chansons complètement barrés, bizarres, loufoques et parfois très incompréhensibles. Qui peut m'expliquer par exemple le sens du titre « Oui, mais non » de Mylène Farmer ? Oui, mais non ? Parce que tous les ados des années 70 ont fantasmé sur les mini-jupes cuissardes de sa chanteuse Sally Carr, le groupe Middle of the Road a glané quelques numéros 1 dans les différents hits planétaires. Il y a eu d'abord Tweedledee Tweedledum, qui deviendra en français et grâce à Sheila l'impérissable comme les rois mages, et quelques mois plus tard, un Chippery Chippery Chip Chip, tout aussi dénué de sens, mais bon, c'est vrai que Sally Carr avait de jolies jambes. À propos de jolies gambettes, personne, je pense, ne sera passé au travers de la déferlante Pussycat Dolls. On ne reviendra pas sur le charme et le sex appeal de ces bombes chantantes, mais c'est vrai qu'elles avaient de sacrés atouts pour réussir dans le showbiz. Bon, sans vouloir revenir et insister sur les chansons, on pourrait résumer leur œuvre à ce seul titre. Hush, hush, hush, hush. Numéro 1, planétaire, en 2008. Yeah. J'en mets un disque, j'en ai marre de silence. Right. Ah, combien de DJ, d'animateurs de radio et présentateurs de télé se sont cassés les dents sur Prison Colin Ascension. Bref, un tube loufoque d'Adriano Celentano. Mais contrairement à ce que chacun pourrait croire, ce titre a un sens, celui de l'amour universel. C'est Celentano qui le dit et on veut bien le croire. Voici Prison Colin Ascension. C'est cela, oui. Catégorie des titres improbables, c'était Adriano Celentano en 1972, Prison, machin, Colin, machin, sol. Pop Story. L'histoire des hits. Cuisine Créfelle. Nos soldes, c'est jusqu'à moins 70% sur une sélection de cuisine d'expo. Cuisine Créfelle, mon rêve, ma cuisine. Les spécialistes des cuisines Grando à Neupré connaissent la cuisine mieux que quiconque. Ils savent par exemple que la hauteur idéale pour l'évier se situe 10 cm sous la hauteur du coude. Et que les armoires murales sont suspendues minimum 50 cm au-dessus de l'évier. Évidemment, ils savent aussi qu'en juillet, Grando Neupré vous offre jusqu'à 60% de remise sur les cuisines d'expo. Bref, personne ne connaît mieux les cuisines qu'un spécialiste Grando. Et oui. Grando. Personne ne connaît les cuisines mieux que nous. Découvrez vite les cuisines Grando dans notre showroom Route du Condroit à Neupré et sur Facebook Grando Neupré. Vivacité présente 3D World Magic and Fun Ostende. L'événement dont tu es le héros. Du 16 juillet au 28 août, pose avec ta famille et tes amis dans 40 décors vraiment fun. Découvre la vidéo Arctic Explorer et deviens l'acteur d'un court-métrage avec de nombreux animaux si tu n'as pas froid aux yeux. Info 3dworldbelgium.be. 5 à 7 jusqu'à 19h sur Vivacité. Et à 19h justement, vous avez rendez-vous avec Olivier Gilin pour le Tip Top Quotidien. Qu'est-ce que c'est le Tip Top Quotidien? Bah écoutez, c'est simple, c'est un aperçu du classement du grand Tip Top qui a lieu, lui, le samedi, sans Vivacité. Donc on va piocher eh bien, des titres par-ci, par-là dans ce classement. On fait découvrir des choses aussi, les toutes dernières nouveautés. On vous raconte des petites histoires autour des artistes. Et puis surtout aussi, on repart voyager dans le temps au cours des dernières décennies pour voir quels ont été les grands numéro 1 des classements en France et en Belgique qui vous ont fait vibrer. On les réécoutera dans cette émission tous les jours. C'est tous les jours comme ça. Je crois qu'il y a même deux morceaux anciens que vous pouvez entendre dans le Tip Top. Dans le Tip Top d'aujourd'hui, eh bien, vous allez retrouver ce chanteur français qui fait pas mal parler de lui en ce moment. Il s'appelle Navi. C'est Yvan en fait. Il s'appelle Yvan. Il a retourné son nom. C'est devenu Navi avec son titre J'écoute du Miles Davis. Alors j'écoute du Miles Davis. J'écoute Miles Davis, vous connaissez évidemment Miles Davis, ce compositeur américain qui a eu beaucoup de succès, un trompettiste. Visiblement, il en est fan et a fait un petit clin d'œil à travers cette chanson. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre aussi sur Navi? Bah, c'est l'amoureux de Louane. En ce moment, on les voit dans les journaux People. Je ne sais pas si vous regardez. Enfin bon, on s'en fout de tout ça. C'est les People. Il n'en sera pas question dans le Tip Top d'aujourd'hui puisque là, il est question de musique. Bon, on avait beaucoup de cadeaux à vous offrir aujourd'hui. On commence tout doucement à faire notre distribution avec différents tirages au sort. On vous emmenait voir un spectacle vraiment magnifique dans un cadre splendide puisqu'il se déroule à l'abbaye de Villers-la-Ville. Ce sera le 21 juillet prochain. Vous reconnaissez ? Évidemment que vous reconnaissez, c'est du Mozart, hein, Amadeus. C'est le spectacle qui vous est proposé. Oh, je vous raconte l'histoire en deux mots, on a le temps? Ouais, on a un petit peu le temps, donc je peux vous raconter l'histoire. Ça se passe en 1781. Mozart est en voie de devenir le plus grand compositeur du siècle. Et face à un tel génie, Salieri se sent rongé par la jalousie. Alors bon, il comprend quand même que c'est une menace, hein, pour lui de voir le jeune Mozart comme ça évoluer. Il va essayer de l'évincer tout en l'approchant pour savoir pourquoi il est si doué. Voilà, comme ça vous connaissez le pitch de ce spectacle auquel vous allez peut-être assister si votre téléphone sonne d'ici quelques instants. C'est un spectacle magnifique, un flamboyant comme on dit, avec une grande scénographie, toute une mise en scène qui va vraiment vous couper le souffle et quel cadre aussi. Allô, bonsoir, qui est à l'appareil? Florence. Florence, vous êtes de quelle région, Florence? De Mons. Bon, vous vous dites, si quelqu'un m'appelle, me dit directement comment je m'appelle, c'est que ça doit être la radio, ça. Oui, tout à fait, tout bon. À fait. J'étais tenue au courant, donc je me tenais très près du téléphone. Donc vous voilà. Avez bien fait, parce que vous avez gagné vos entrées pour Amadeus, ça. Bah, c'est super, c'est génial. Donc je comptais justement aller le voir, ah bah voilà. Réserver des places, mais bon, si en plus c'est offert, c'est gratuit. C'est bonus, donc voilà. C'est gratuit, en effet. Un beau cadeau de la part de Vivacité. Et le cadre, vous connaissez bien cet endroit, la ville de Villers-la-Ville? Justement, on a beaucoup parlé en me disant que c'était vraiment magnifique. Et donc voilà, je suis vraiment impatiente de découvrir les lieux. Et voilà, en plus l'histoire de Mozart me plaît beaucoup, d'autant oui. plus que j'avais... Je l'ai bien raconté en plus. Style. Je l'ai bien oui, raconté voilà, dans là dans en plus. Style, j'avais été voir l'opéra rock, donc voilà. Ah oui, oui, c'est pas la même chose. C'est oui, pas la même chose. Là, vous allez vraiment voir une scénographie monumentale avec l'abbaye qui sera totalement métamorphosée hein, par des projections d'images. Elle sera enveloppée, évidemment, des plus belles musiques de Mozart à découvrir. Donc, Amadeus, ce sera le 21 juillet prochain. Merci à vous d'avoir été avec merci nous. Merci beaucoup, une bonne soirée, merci beaucoup. Un autre cadeau à vous offrir tout de suite maintenant. Eh ben oui, on ne fait que ça, ben c'est normal, on vous gâte, hein. C'est l'été, c'est les vacances, après tout, il faut bien que vous bougiez. Et là, on va faire bouger relativement loin, puisque vous allez pouvoir aller à Poitiers, au Futuroscope de Poitiers. Vous connaissez cet endroit vraiment magique, il vous fait voyager à la fois dans l'espace et dans la quatrième dimension, autour de héros bien connus, par exemple les héros de l'âge de glace, des lapins crétins aussi. Il y a plein d'attractions vraiment à vous couper le souffle, et ce pour toute la famille. On vous offre la possibilité de remporter un séjour au Futuroscope de Poitiers, séjour de 2 jours, 2 nuits, plus 1 jour qui est offert dans la foulée, on va dire, le tout pour une famille de 2 adultes et de 2 enfants en hôtel 3 étoiles. Alors le gagnant ne va pas être connu aujourd'hui, il sera tiré au sort dans le 5 à 7 de ce vendredi, le grand tirage au sort aura lieu. Alors pour participer, vous allez simplement sur le site internet de Vivacité, www.vivacité.be, vous allez dans la rubrique des concours, et là vous trouverez bien un petit questionnaire qui vous permettra de remporter ce séjour avec des questions qui portent à la fois sur les personnages, sur les héros du Futuroscope, mais aussi sur la localisation ou bien sur le Futuroscope en lui-même et son histoire. Bref, vous allez trouver ça très facilement sur internet www.vivacité.be dans la rubrique concours. On vous accueillera peut-être sur notre antenne ce vendredi avec grand plaisir. Vivacité, il est 18h50, il est temps de passer à notre séquence humoristique du jour avec ce best-of des enfants de cœur. C'est le sermon de James Dino. Les enfants de cœur. Le sermon du frère Dino. Mes bien chers frères, mes bien chères sœurs, c'est le père Dino qui vous parle. Autant vous le dire tout de suite, aujourd'hui je suis tristouné. Je suis tristouné parce que je me rends compte que ma vie professionnelle est un échec. J'ai tout sacrifié pour mon boulot. J'ai été comme la faute derrière l'oreille pendant 30 ans et regardez aujourd'hui. Je viens bosser le dimanche matin pour faire mon sermon, il n'y a personne dans l'église. Obligé de venir faire le fanfaron dans cette émission de radio pathétique, vulgaire et diabolique. Diabolicus, retebe, brunimum, vivacites. Il y a plus de monde dans les concerts de Dick Rivers que dans mon église, vous rendez compte? Et pourtant, Dieu sait qu'il chante mal et que la traduction française de son nom est ridicule. Pourriez nous rappeler la traduction de Dick Rivers en français? J'en sais absolument rien. Ben Rivers. La rivière, oui. Et Dick. Donc rivière de bite, hein. C'est pas moi, c'est Dick. Ah mais non, c'est son nom. Il y a moins de vide dans la boîte crânienne d'Evangélie ou dans les couilles de DSK en sortant du Sofitel que dans mon église le dimanche matin. C'est pour vous dire, non mais vous êtes vulgaire là. Vous rigolez, mais moi il y a 30 ans, je faisais mon sermon guichet fermé, j'étais complet tous les dimanches matins, je refusais du monde. Hein. Quand j'ai été engagé dans l'église, on était le top du top en matière de religion. On avait des succursales dans chaque pays du monde, y compris chez les Noirs, les Shintok et les Arabes, chez tout le monde. On faisait les mariages, les baptêmes et les enterrements. Rien qu'à la quête du dimanche matin, je pouvais payer mon pressing pour changer de soutane tous les jours. J'étais impeccable. Il n'y a pas une personne dans le monde qui connaissait pas notre CEO. CEO, comprenez ça ici à Comines. Jésus, hein, président, hein. Tout le monde connaissait, évidemment. Même dans le trou du cul du monde, on connaissait Jésus. Pas à Comines, parce que c'est trop loin, faut pas exagérer non plus. Mais, oui. Ben regardez ce que je vis aujourd'hui. J'ai même plus assez d'argent pour payer le laveur de vitraux. C'est normal, ça? Tous les jours, j'ai la statue de Marie qui pleure des larmes de sang dans mon église. Pas parce qu'elle est triste, parce qu'elle est complètement déshydratée. On n'a même plus de quoi se payer un pack d'eau bénite. C'est normal, ça? Ah ouais, mais j'ai bossé, moi. Ben quoi? Taisez-vous. Et pourtant, Jésus n'a pas changé. Son message, il est toujours bon. Comment voulez-vous pas aimer un type pareil? Un jeune paye de 30 ans, beau comme un dieu. On le voit sur les vitraux, il ressemble à Brad Pitt. Toujours prêt à donner de sa personne. Jésus, il n'y a plus rien dans le frigo. Le type se coupe pas une entrecôte. Tenez, ceci, mon corps, mangez-en tous. C'est pas Brunet qui nous ferait un coup pareil, hein? Jésus, on veut se bourrer la gueule. Allez me chercher de l'eau du robinet, j'ai fait 6 ans de chimie, je connais une formule pour la transformer en vinasse. Tout le monde aimait Jésus. Sauf les marchands du temple, évidemment. Parce qu'un jour, il était venu foutre le souk dans les boutiques, là. Il avait fait sa remonte. Ah, vous voulez pas fermer le magasin pendant les grèves? Allez, tiens, viens-y que je prends toutes les djellabas, je les jette par terre. Viens-y que je crie devant tout le monde. Qu'est-ce que c'est? Il y a aussi une autre famille qui aimait pas Jésus, c'était la famille de la pauvre femme qui allait se faire lapider, là. Eux aussi, ils ont pas aimé. Pourtant, Jésus a failli lui sauver la vie à cette femme. Elle allait se faire lapider, elle a dit que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Le problème, c'est que la scène se passait sur les bords du Jourdain, là. Il y avait des pêcheurs dans le coin, évidemment, hein. 600 cailloux dans la tronche en 6 minutes, elle s'est pris. Même le type de chez Carglass n'a rien su faire. Enfin bon. Qu'est-ce qu'il y a? Enfin bon, si je viens ici, c'est pour vous supplier de revenir, évidemment. Ne me laissez pas tout seul. Hein. Venez voir votre vieux père. Hein. Passez dimanche prochain. Je vais passer au Colleret chercher du Beaujolais nouveau. Allez, venez. Et prenez les gosses avec, j'ai des hosties en chocolat. Et prenez les tablettes, j'ai fait installer le wifi aussi. Et s'il y a des musulmans qui écoutent, venez aussi, vous êtes les bienvenus. Alors vous, je sais, vous pouvez pas boire le vin de messe. Pour vous, je vais faire du thé à la menthe, de messe. Et les athées, venez... C'est nul, ça. Moi, j'aime bien. Ouais. Et les athées, venez aussi pendant le sermon. Pour vous, je vais faire projeter le film Titanic. C'est l'histoire d'un grand bateau qui coule. Ça ressemble un peu à l'histoire du catholicisme, c'est excellent. Vous venez voir. Allez, je suis sûr que semaine prochaine, vous serez là et je serai déjà très heureux de ça. Allez, à dimanche prochain, je vous aime. Hein. Et nous aussi, on l'aime. Guillaume Nidom. En cherchant un peu sur Internet, Camini, j'ai découvert que vous vouliez aussi être chanteur de variété. C'est vrai. Et depuis tout petit, d'ailleurs. C'est vrai. Allez, une voix comme ça, en direct. Ah, bah, celle que je maîtrise le mieux, on va dire, c'est peut-être Véronique Sanson, alors. Hein. Oui, fabuleux. Besoin de personne quand tu n'es pas là. Voilà, c'est... C'est excellent. Lui aussi, c'est un grand imitateur. Ah oui. Allez, Belmondo. Bonsoir, Camine. Comment ça va? La dernière fois que je suis venu, je suis rentré dans Raymonde. On était complet. Maïté. Oh, ben alors, le coco. Jean-Pierre Coff. Mais c'est de la merde. Écoute, Maïté, qui imite... Christophe Maé. Qu'on s'attache et qu'on s'empoisonne. Les enfants de cœur vont les retrouver tous les dimanches sur Vivacité dès 9h du matin. Oui, oui, même pendant les vacances. Tu n'as pas de raison, vous avez le droit de rire pendant les vacances, mais ce sera le best-of de la saison écoulée. Dans cette émission du 5 à 7, on vous avait lancé un fil rouge en début d'émission, puisqu'on vous a offert des entrées pour Pascal Obispo. D'ailleurs, je vous annonce qu'il y en aura encore demain à gagner dans l'émission, donc soyez au taquet si vous voulez les gagner. Eh bien, on s'est dit qu'on allait vous poser une question autour des festivals. En plus, c'est la période. Quel était votre meilleur souvenir lors d'un festival? Si vous avez eu un petit moment privilégié avec un artiste, si quelque chose dans le public vous avez fait rire, bref, s'il y a ou quelque chose qui se passe mal aussi, bon, sans rentrer dans le dramatique évidemment, vous êtes quelques-uns à avoir répondu. On a par exemple ici Cassandra du côté de Mons qui me précise dans son SMS, et bien que ce n'est pas arrivé lors d'un festival mais lors d'un concert normal, Beyoncé m'a touché la main. Quel bol, beaucoup de chance, mais Beyoncé a failli tomber de la scène du coup. En effet, ça peut être dangereux, hein, ça, Cassandra, donc il ne faut pas abîmer Beyoncé. Hein. Il y a d'autres fans qui en ont bien besoin. J'ai également Julien du côté de Mons. Ce cher Julien est allé dans un festival aux Pays-Bas et là, il est allé voir la chanteuse country Shania Twain. Vous vous souvenez, c'est celle qui chantait Man I Feel Like a Woman ou encore That Don't Oppress Me Much. Et bien, Shania Twain l'a visiblement fait monter sur scène. Quel chanceux également. Elle l'aurait enlacé et lui a chanté une chanson rien que pour lui, les yeux dans les yeux, From This Moment On, ça s'appelle. Et visiblement, ce cher Julien, quand il y repense, eh ben, il a les larmes aux yeux. Et on le comprend, hein, Olivier Julien. Ah bah, attendez, Shania Twain, elle est magnifique. Bah, super. Elle vous chanterait ça. Vous avez un souvenir, vous, de concert ou de festival comme ça, qui vous a marqué que alors, vous... moi, j'ai beaucoup apprécié, mais vous êtes trop jeune pour connaître Rapsat, Pierre Rapsat. J'ai eu l'occasion de le présenter plusieurs fois en concert. J'adorais absolument le personnage, le monsieur, le chanteur, l'homme, puisque j'ai eu l'occasion de le côtoyer au restaurant après. Il restait discret et sur scène, c'était juste des moments exceptionnels qu'il nous faisait vivre. Donc effectivement, ça reste des moments agréables. Vous, de votre côté, donc on a bien compris, Shania Twain, et sinon c'était pas moi, Shania Twain. Non, je sais, j'ai compris, mais bon, c'est pas... Voilà, hein, moi, il y a Madonna qui m'a insulté pendant, c'est pas vrai, pendant c'est donc vous. Oui, parce que on me l'avait dit. J'avais une mauvaise habitude, une très mauvaise habitude à ce moment-là, c'était de fumer une cigarette, c'est pas bien. Voilà. On était à l'extérieur et j'étais trop près de Madonna. Bon, je vous passe les insultes. Oui, non, passez les insultes, pas de problème. Lucas, vous allez prendre un peu de repos, on vous retrouve demain ? Oui, demain. Bon, et nous, c'est parti pour la quotidienne du Tip Top dans quelques instants. 21e position pour ouvrir les portes juste après les infos de 19h, ce sera Chris Cab. Cette semaine, vivez avec nous la Franco-Expérience. Entre 6h et 8h sur la Une Télé, tout au long de la journée sur Vivacité, et puis samedi matin dans le Tip Top, remportez des accès aux thermes de spa, des dîners gastronomiques, des bons d'achat, des Franco-Pass et même des week-ends pour deux personnes au Blue Radisson Palace de Spa. Il ne vous reste plus qu'à découvrir votre code de participation et envoyer celui-ci au 6003, 75 centimes par message. Bonne chance! Vivacité présente les Francofolies de Spa. Au village Francofou, une affiche irrésistible avec vos artistes préférés dans une ambiance incomparable. Puggy, Alison DeRouf, Suarez, Jen, Bastien Becker, la Grande Sophie, Les Monstros et bien d'autres. Info, francofolie.be, avec le soutien de la Wallonie et la Fédération Wallonie-Bruxelles. Vous vous sentez à l'étroit ? Sur Vivacité, demain, dès 9h, la Grande Évasion vous emmène visiter le monde. David Riffon, bonsoir. À la une de l'actualité, cette collision frontale entre deux trains dans le sud de l'Italie. Bilan 20 morts au moins et plus de 35 blessés. Pas d'informations sur des victimes belges à ce stade, d'après les affaires étrangères. Il était 11h30 ce matin dans la région de Bari, dans les Pouilles, pour une raison encore inconnue. Erreur humaine ou incident technique, deux trains se sont retrouvés sur la même voie. Deux trains régionaux, le crash était inévitable. Les services de secours sont toujours sur place. Écoutez le directeur de la police municipale à Corato, là où s'est déroulé le drame. C'est un moment dramatique. Un choc frontal comme ça, disons que c'est sans pitié. Ce sont des choses qui ne devraient pas arriver. De mémoire, ça n'était encore jamais arrivé sur ce tronçon. Actuellement, les premiers secours font